Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Bonjour à tout le monde. Comme je disais, mardi 19 novembre, je tiens entre mes mains quelque chose dont on va vous entretenir un petit peu plus tard. C'est le iPad Mini Retina. Je suis allé... on veut me le voler ici en studio. Donc, bienvenue au podcast Mac Québec. Le podcast Mac Québec est une émission bi-hebdomadaire produite par l'équipe du site web macquebec.com sur l'univers Apple, bien évidemment. Au cours des deux prochaines heures, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons à vos questions posées par des membres de la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. Avec moi cette semaine pour m'aider dans mon crime, j'ai Jean-François qui est avec moi. Ça va bien, Jean-François? Oui, ça va très bien, toi? Oui, merci. Passe une bonne semaine. Oh, oui. Deux semaines. Oh, oui. T'ennuyais-tu? Un petit peu. Un peu, hein? Un petit peu. Oh, oui. Aux deux semaines, là, c'est... À un moment donné, quand tu travailles en fin de semaine avant, genre, ah ouais, c'est vrai, mardi, c'est ça. Fait que, ça. Excellent. Cette semaine, Jean-Michel n'est pas avec nous et les commentaires fusent de toutes parts, en fait, pour ton apport lors de l'événement. Oh, donc, Dieu. Les gens ont bien aimé. Donc, c'est pour ça qu'on t'a réinvité. Geneviève La Jeunesse, Geneviève Denki, La Jeunesse oui. Dénommée, est avec nous. Ça va bien, Geneviève? Multiple, ça va très, très bien. Oh. Une super belle semaine qui était riche en expérience. J'ai hâte de t'en parler. Excellent. Les auditeurs peuvent nous soumettre leurs questions et problèmes sur les différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter, en utilisant le hashtag PodMQ, sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com, en nous écrivant au podcast@macquebec.com ou par téléphone au 1-877-561-2357. Vous allez laisser un message parce que le téléphone ne fonctionne pas ce soir. Ah oui, effectivement, cette semaine, on n'a pas le téléphone. Par contre, je peux vous donner une autre adresse où est-ce que vous pouvez aller nous suivre et découvrir beaucoup d'autres podcasts. C'est le RZO Web. Vous avez peut-être entendu l'indicatif en début d'épisode. Donc, on fait partie de la station RZO Web, qui est une station, un regroupement de podcasts de toutes sortes. Donc, vous pouvez en découvrir d'excellents. Je pense entre autres à Trois Bières, au Mystérieux Étonnant, au dernier des podcasts et Objectif Numérique. Puis l'épée légendaire. D'ailleurs, peut-être quelque chose qui est en train de se faire pour Noël. J'ai des gens qui m'ont écrit sur Google Plus. Si tu veux faire quelque chose et que personne n'en entend parler, tu t'en vas là puis tu fais quelque chose, c'est anonyme. Il y a peut-être... on est en train d'essayer de préparer un petit quelque chose, un petit cadeau de Noël avec des gens de l'interweb. On veut évidemment, parce que vous le voyez peut-être pas en studio et peut-être que pour les gens qui nous écoutent sur leur iPhone, dans leur automobile, je pense entre autres à Louis Lemieux et à Fred Lavoie qui font une grande route et qui nous écoutent, mais à tous les autres qui nous écoutent sur leur iPhone, peut-être que vous le voyez pas, vous l'entendez pas dans vos oreilles, mais en ce moment, on est devant à peu près, je dirais, un bon... 15 000 piastres d'équipement. Ouais, on calcule tout, là. 25, on me dit, on me fait essayer en régie 25 000. 12 000? 52. 12, ouais, mais 12 000, ouais, mais on calcule de iPhone, iMac. The actual retail price is... Donc, en fait, on est en vidéo grâce à la part de Jason Dénommé, qui nous a proposé son aide en régie et qui, oh mon Dieu, fait un travail de malade. Il a transporté à peu près 2,5 tonnes d'équipement. Il est arrivé avec 2 camions 18 roues en avant. Même les Rolling Stones en ont pas autant quand ils débarquent en ville. Et puis, on est full equip. Donc, c'est important de le mentionner. Donc, Jason Dénommé, on va vous envoyer une photo du setup sur les intertubes bientôt. Mais il y a aussi la part, en fait, de commanditaires. On en a quelques-uns. On est bien content de les avoir. D'abord, ClickPom. Le concours qui vient de se terminer pour ClickPom, et c'est Suzy Proto. Je voyais des gens demander sur Facebook qui avait gagné. Donc, la gagnante est Suzy Proto. Je suis en contact avec le fils de Mme Proto qui vient de Sherbrooke. Donc, il n'y aura pas d'installation, mais son fils va s'occuper de l'installation du SSD dans son ordinateur. Et puis, c'est une madame assez âgée, si je ne me trompe pas. Ah oui? Ouais, autour de 75, peut-être un peu plus. C'est elle qui va avoir profiter. Le SSD ou exactement. C'est lui? Exactement. Non, c'est elle. On va s'assurer, oui. Coapucam, notre plus vieux commanditaire qui, en ce moment, je n'ai pas vérifié, en fait, mais il doit leur en rester quelques-uns. Sinon, ils ont d'autres offres, mais ils offrent 130 $ de rabais sur les iPad 4. Donc, quand même assez intéressant. C'est sûr que c'est un petit peu plus lourd, mais 130 $, ça paye en fait le c'est sur le iPad Wi-Fi plus LTE. Ça paye le LTE. Voilà. ReptileTech, qui en ce moment est en campagne de financement pour Centraide, c'est en échange de likes, non pas pour leur page à eux, c'est bien important de le comprendre, mais pour un like sur la page de Centraide. Donc, vous faites une recherche dans Facebook, faites ça maintenant, nous ouvrant un nouvel onglet. Vous allez continuer à nous entendre et vous allez pouvoir le faire. Et ils offrent 1 $ par like. Donc, ça ne sort pas de votre poche. Tout ce que ça vous demande, c'est de rester à l'écoute du message de Centraide qui aide les familles en détresse. Puis là, on s'en va vers Noël. Fait que c'est important de leur donner un petit coup de main. Et iRepair Montréal, qui sont des sauveurs de filles professionnels au 1184 Sainte-Catherine. Ouest. Donc, voilà. Si vous avez un problème avec votre iPhone, ben, ils vont vous réparer ça. Avant de commencer en nouvelles, on passe à une petite pause publicitaire. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Meilleur jingle ever de la part de Bernard. Merci, Bernard. On le salue. Il est en vacances en ce moment. On vous suggère fortement de lui faire des follow et de lui envoyer toutes sortes de choses sur Twitter. Il est très loin. Oui, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles de Mac Québec cette semaine, mon cher Jean-François? Oui, on avait parlé au dernier podcast qu'on avait eu des problèmes avec Mac Québec Entraide, le dérivé du forum. Oui. Oui. Il y avait la page d'affichage des dernières nouvelles n'affichait pas au bon moment. Alors, ça a été corrigé par notre équipe. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, l'application MQ Mobile, je pense qu'on va encore l'appeler comme ça. Oui. Devrait être disponible vers le milieu décembre. En fait, pour Noël. Pour Noël. Ah. Pour Noël. Ah, oh, vous allez pouvoir déballer ça. Ouais, et là, c'est pas une version Apple disponible pour milieu décembre, ça va être vraiment disponible milieu décembre. Oui. C'est pas comme late December. December, là. On va essayer que ce soit... C'est Pyroxo qui... Pierre Rochon. Qui nous développe ça. On est bien contents. On a bien hâte de l'avoir. Avec Marc-Antoine. Voilà. Je ne sais pas s'il va avoir... j'ai pas regardé s'il y avait l'onglet podcast dans la première version. Je ne sais pas s'ils vont la faire dans la première version. Ça va s'en venir après. Les notifications s'en viennent. OK. Je suis en train de travailler là-dessus, sur les certificats et tout. Là. C'est excellent. Un peu, fait que, mais c'est ça. Mi-décembre, ça devrait être disponible. Parfait. Fonctionnel iPhone et iPad, il faut dire aussi. Hein? Fonctionnel iPhone et iPad. Oui, oui, c'est vrai. Parce que la première version ne l'était pas. Ouais, elle était juste pour iPhone, mais elle l'était, mais... Ouais, ben... C'est ça. Voilà. J'ai dit il y a quelques minutes que ClickPom avait terminé son concours, mais il y a le sondage aussi sur Mac Québec. Vous avez été plus de 800 à participer et le gagnant a été annoncé cette semaine. Je vous rappelle que la personne se méritait un Apple TV ainsi que 70$ de carte cadeau iTunes pour le remplir. Oui. Et c'est... je ne vais pas me tromper... c'est Sir Maximum, en fait, sur Twitter, qui l'a gagné. Ah oui? Donc, oui, c'est quelqu'un, en fait, c'est un podcaster de Facteur Geek qui l'a gagné. Son nom m'échappe, par exemple. Faudrait vérifier. Donc, on va le nommer. Trouve-moi ça. Sinon, ben, en ce moment, il y a un autre concours qui a été lancé avec un des commanditaires de Mac Québec, du site Mac Québec, qui est Hugo Bureau. Maxime Duclos. Maxime Duclos, voilà. C'est ce nom qui m'échappait. Je savais que c'était Maxime, mais je ne me souvenais plus du clou. Donc, vous pouvez gagner, courir la chance de gagner un support pour écran plat et ordinateur portable, gracieuseté de Hugo Bureau. Si vous regardez sur Mac Québec en ce moment, si vous regardez sur Mac Québec en ce moment, il y a un article de Kim Auclair qui a été fait tout dernièrement, qui faisait un test de ce support-là. Donc, vous pouvez vous le méritez. Donc, vous suivez, l'article est là, le lien est là, et vous pouvez gagner ça. Et surveillez bientôt le lancement du concours du temps des fêtes. C'est au courant des prochains jours. Je pense que cette année, on offre quelque chose de gros. En fait, à Musique Plus, ils offrent un bas de Noël. Ouais. Nous, marcher dans la neige avec un bas, ça sert à rien. On va offrir deux, pas un. Deux pas de Noël. Oui. Donc, ça s'en vient au cours des prochains jours. C'est thématique. Il y a plus de 500$ de cadeaux dans chacun des bas. Restez à l'encoute et vous allez pouvoir participer à ce concours-là. Sinon, c'est notre moment Jean-Luc Mongrain. By the way, on va vous le demander... on fait à chaque émission les coups d'os, coups de 12. On est plus préparé cette semaine, donc ça va être peut-être plus intéressant. On s'en est parlé un peu avant. S'il y a un segment dans l'émission que vous n'aimez pas, peut-être comme celui-là, ben vous pouvez nous le dire. Puis si vous l'aimez, vous pouvez aussi nous le dire. Soit laisser des commentaires sur iTunes, soit nous écrire. J'ai donné toutes les références au début. Tu sais, si le commentaire est... constructif, là, tu sais. Tu sais, le commentaire constructif de quand tu parles, Cornelier, on dirait que t'es le maillon faible de ce show-là. Bien, vous pouvez aller voir Jean-François. Lui, il est diplomate, il écoute, puis il répond. Il répond. Fait que voilà, vous n'êtes pas obligé de me parler à moi avec vos commentaires constructifs. Voilà. Donc, kudos et kudos, je vais commencer avec Jean-François. Est-ce que tu en avais cette semaine? Moi, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, si c'est un kudos ou un coup de 12. L'épais qui a cassé sa PS4 au lancement... Ah oui, j'ai vu le vidéo! Hey, méchant sans dessin, là, je m'excuse. C'est un gars qui est à la sortie du Futur Shop, je pense. Je ne sais pas c'était lequel, parce qu'on entend bien parler français. Oui, oui, c'est comme, ici. Je ne sais pas c'est où, c'est ça. Oui. Le gars achète une PS4, sort, la déballe en déchirant la boîte devant tout le monde et slam littéralement la PS4. Elle en mange une maudite. Oui. Tu sais, c'est 400$ là, que tu détruis drette là. C'est un statement, on s'entend. Quelqu'un qui fait ça, je veux dire, tout le monde a envie de slammer quelque chose qui vaut cher à terre, un petit peu pour se rebeller contre... Pour avoir vu la file de gens qui allaient acquérir la PS4 au Future Shop sur la rue Sainte-Catherine... Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Il y avait une bonne quantité de personnes, peut-être une trentaine, quarantaine de personnes, mais c'était de voir la dynamique dans la file. Parce qu'il y avait des gars qui avaient hâte d'aller chercher puis se parler entre eux autres. Et il y avait des copines. Et je veux pas stéréotyper, mais il y avait peut-être deux copines qui étaient contentes et les autres, il y avait vraiment la tête de... Je viens de perdre mon chum jusqu'à Saint-Valentin. Je pense jusqu'à Saint-Valentin, il n'y a même pas de jeu de lancement. C'est bon. Je ne l'ai même pas acheté, moi. La console est intéressante. J'ai regardé Frank the Tank du podcast, du Feu podcast, l'analyse des geeks. Tu peux streamer très facilement. Oui. C'est super bien intégré. Il n'y a pas de son sur Twitch TV. Il n'y a pas de son. Ouais. Oui. Il n'y a pas de son du jeu ou de la personne. Est-ce que tu streams? Ouais. Il n'y a pas de son du jeu. Ah, peut-être pas, mais tu peux entendre la personne. Si la personne a un micro, là, tu peux l'entendre, mais tu n'entends pas le son du jeu. Okay. Peut-être des droits d'auteur, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas, mais j'ai regardé en fait un peu. Il jouait à un jeu qui ne semblait pas si intéressant que ça. C'était Battlefield 4, je pense. Ou, non, c'était l'autre, c'était Quank. Ah, Quank, oui, je l'ai essayé en fin de semaine quand j'étais au centre-ville, aux Ailes de la Mode. Okay. Il y a le stand PS4. Puis c'est pas fameux jeu, là. C'est pas. Ben, il semblait dire que c'était plus un démo technologique que d'autres choses. Ça me semblait pas. Ça ressemblait à un Crash Bandicoot là, un petit peu. Puis ton coup de 12. En fait, c'était la même chose. T'étais pas sûr si c'était un ou l'autre. C'est ça. Fait que. En tout cas, c'est... J'ai trouvé calme. Geneviève, est-ce que tu as un coup d'os? Oui, bien, l'exposition. Je suis allée voir en fin de semaine l'exposition Les Beatles de Montréal. Oui. Et je dirais, en termes de matériel, de mémorabilia des Beatles, on n'est pas dans la grosse exposition là, qui va aller chercher les grands souvenirs. Il y a beaucoup de répliques qui ont été offertes par des collectionneurs canadiens et québécois pour le cadre de l'exposition. Il y a la super belle Rolls-Royce qui ça vaut la peine juste pour ça, si vous êtes amateur de Beatles ou juste de belles voitures. Mais il y a un moment dans l'exposition où est-ce que le lien Montréal n'est pas très fort, à mon avis, mais il y a une salle qui est un peu plus les Beatles et Montréal. Okay. Puis on nous montre des découpures de journaux juste après l'événement. Et puis le Journal de Montréal qui titre « Notre police a eu raison de l'émeute » ou un chose comme ça. Donc, alors, c'est de tout temps. Et ça m'a fait voyager d'une belle manière. Mais aussi, puis l'exposition, c'est super le fun. Vous pouvez voir le 5e Beatles. Vous pouvez voir aussi plein de clips de l'époque yéyé avec les vidéoclips. Des choses qu'on ne s'imaginait pas voir, que nos parents ont vues et ils font comme s'ils ne l'avaient pas vues pour nous faire croire que notre musique est vraiment plus quétaine que la leur. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est assez interactif? C'est-tu beaucoup interactif? C'est-tu comme, mettons, Star Wars ou Indiana Jones? Non. Okay. Au niveau de l'interactivité, il y a vraiment des moments où est-ce que tu peux aller prendre le micro, tu peux peser des boutons, puis il se passe des choses, mais on n'est pas dans une exposition qui tire à plein là, les nouvelles technologies. C'est où? C'est à Pointe-à-Calière. Ah, OK, intéressant. Ouais. C'est un très chouette musée pour... moi, je suis allé avec les enfants. C'est très chouette. Sinon, un coup de 12? Un coup de 12. OK. Ça, je vais parler plus peut-être aux fans de hockey. Je sais qu'elle passe à toute heure, mais pendant les parties de hockey, c'est à outrance. La publicité de Bell sur les écrans sans fil, là. Sérieusement, là, est-ce que ça donne envie à quelqu'un d'avoir une télévision dans sa salle de lavage? Non. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un d'amener son job dans le garage pour y faire écouter la game puis de s'auto-féliciter d'être capable d'écouter des téléséries plates avec ses chums de filles dans le salon? Non. Je suis plus capable. Je ne vais plus l'avoir. J'ai plus envie d'entendre 12 pouces 5 $. J'en suis rendu là. Okay. Et on n'est même pas au match des étoiles. Ouais. Alors, ça va mal dans mon pôle, puis il y a une publicité de Bell que je suis plus capable de sentir à l'aide. Voilà. Ils en ont parlé justement vendredi, cette pub-là, c'est juste la télé. Ouais, c'était vraiment drôle. Je pense que c'est MC Jules qui l'a amené. Puis c'est vraiment drôle, mais c'est vraiment, est vraiment plate. C'est parce que c'est bien facile de transporter le petit récepteur. Mais c'est une TV de 46 pouces que tu ne déplaces pas qui est attachée à ça. Oui, puis trois fils, tu sais. Pour ceux qui ont une laveuse frontale, quand elle se met à spinner, avec la télé au mur, non. Ouais, non, c'est une mauvaise idée. Ouais. À moins que vous travailliez pour une compagnie d'assurance. C'est en tout cas. Voilà. Pour ma part, mon coup d'os va aller à la ville de San Francisco qui, pour les besoins de l'organisme Make-A-Wish pour les enfants malades, est devenu l'espace d'une journée Gotham City, carrément, pour celui qu'on appelle maintenant le Bad Kid. Donc, il s'est vu offrir la totale. J'ai regardé la vidéo, c'était très touchant. Un petit garçon qui est en rémission aujourd'hui. Ils ont habillé une Ferrari avec les logos de Batman, une Ferrari ou une Lamborghini, j'ai pas bien vu, une Ferrari noire. Lamborghini avec ils l'ont mis en costume, il y avait un grand Batman qui le suivait puis qui montrait quoi faire, il faisait des roulades par terre, il sauvait des oui, gens. Une demoiselle en détresse. Exactement. Et en fait, il y a eu beaucoup de participants, si on regarde la vidéo, il y a beaucoup de gens qui participaient et il y a même le président qui lui a fait un Vine pour le féliciter. Donc, bravo. Je trouve que c'est une belle utilisation de la culture geek et, en fait, bravo à lui si ça l'a rendu heureux. Mon coup de 12 va aller à Sun News pour avoir fait un épisode d'une émission, je suppose c'est quoi le titre, je m'en fous un peu, avec les frères Ford, les deux crétins à la tête de Toronto en ce moment. C'est un épisode de trop et vous êtes une station de trop. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Et je vais rajouter le hashtag Jean-Michel Against Québécois Represent sur ça. Bam! Mais oui, c'est vrai que c'est une station de trop, Sun News. C'est ridicule. C'est ridicule, cette chaîne-là. Mais en fait, c'est que si on passe de This Hour is 22 Minutes à Sun News, on ne sait plus laquelle est parodique. C'est problématique. C'est vrai, ils ne peuvent pas aller plus loin, non, j'avoue. C'est ça, exactement. Je n'avais pas vu ça de même. J'avoue, c'est vrai. Et sur ça, ben, on va passer aux nouvelles. Oui. Jingle Télésino. Mac Québec, le podcast. Et nous voici maintenant aux nouvelles. On attendait notre moment. Tu vas te coucher tard à soir, là, enlever tous ces silences-là. Là. T'es peut-être mieux de te prendre des notes de timecode. Non, on ne l'écœurera pas trop. On est super contents de l'avoir. Puis il fait un job malade. Apple qui a lancé les iPad mini et on a utilisé un terme quand je suis allé le chercher au Apple Store. C'est un soft launch. Ils ne voulaient pas recréer un deuxième événement. Le iPad ayant déjà été lancé, la file ayant déjà été faite pour le iPad Air une semaine plus tôt, une semaine et demie plus tôt, ils ne voulaient pas refaire la même chose. Ils ont dit ça? Un lancement doux. Un lancement doux. Je ne l'ai pas dit. Un lancement mou. Donc, c'est l'appareil que je tiens dans mes mains. Apple, on le répète, si vous achetez un produit chez Apple, mettons que vous loadez votre carte de crédit puis que vous n'en avez pas de besoin, ben vous pouvez aller reporter sous 14 jours. Ouais. Sauf pendant la période des fêtes. Ou tu as jusqu'au mois de janvier pour aller le porter. Hein? Fait que tu loads ta carte de crédit avec un beau Mac Pro sorti mi-décembre, puis tu t'en vas le porter avant le 3 janvier. Puis là, tu l'essayes. Fait que qui chez Mac Québec a une carte de crédit capable de prendre le hit d'un nouveau Mac Pro? Ah non, on va rentrer à 3, hein? Mets 500 celle-là. Mets 750. Je pense que ça vient d'être... Ah, je vous ai vu, vous, au podcast. Non, on ne prend pas les retours. Non, mais ils vont nous voir. Ils nous connaissent assez que quand on arrive, ils nous reconnaissent. C'est comme... Ben, d'ailleurs, en fait, quand je suis allé pour le Mac Mini, je suis allé à Laval en premier. Ton iPad? iPad mini, pardon. Je suis allé à Laval en premier parce qu'il était sur Internet. Puis je me suis dit, je vais aller me stacker dans un magasin. Puis il devrait les recevoir en matinée, tout ça. J'avais un client cette journée-là. Fait que finalement, je suis allé au magasin. Bon, il y avait des petites choses. Je n'avais pas ramené le bloc d'alimentation. J'essayais de m'en faire un gratis. Ben ouais. Puis je suis allé le chercher. Je l'ai mis dans la boîte. Et... En après-midi, on a eu la nouvelle comme quoi il était sorti. Mais quand je suis allé à Laval, le gars qui était au check-in, je le salue, j'ai pas pris son nom et je trouve ça très dommage. Il est venu me voir et il a dit « T'es-tu le gars de Mac Québec? » Puis j'étais comme « Boom! Yes! » Je tripais, c'est vraiment chouette. De se faire aborder comme ça pour le travail qu'on fait, qui semble être apprécié. Mais c'est vrai, tu me fais penser à ça. J'en ai un l'autre jour, j'étais avec mon copain et on se promenait sur Ontario. On était chez Renaissance, où ce qui travaille, mais une autre place. Et il y a quelqu'un un jeune, je pourrais pas te dire, j'ai pas demandé son nom moi non plus, mais il m'a reconnu. C'est cool, hein? C'est cool quand même, parce que, tu sais, je veux dire, quand t'es... Ben, pas connu. Un nobody. Un nobody, vas-y, exactement. Ouais. Merci du mot. Puis que la personne... « Hey, toi, là, c'est-tu toi qui est en file puis qui fait Mac Québec? » Puis c'est vrai. Puis mon chum, il dit... Tu sais, mon chum est resté même surpris. Hein. Je dis, ouais, qu'est-ce que je te dis? Fait que ça doit être ça, être vedette. Ouais, ben, je sais moi, pas. J'encourage les gens à le faire, mais abordez-nous pas en disant... C'est toi là, sur Internet, parce que ça c'est vraiment plus délicat. Voilà. Peut-être, mais je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais c'est vraiment sympathique. Là, ça, C'est toujours apprécié. Fait que je le salue. Et c'est ça, j'ai pu prendre possession de mon iPad mini. Quel t'as pris? J'ai pris 32 gigs pour avoir de l'espace, juste Wi-Fi. OK. Juste Wi-Fi. Ouais, j'ai mon iPhone qui fait la job, qui peut feeder tout ça. Bel appareil, je suis content. Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais on a sauté, je pense que c'est 3 ou 4 générations de processeurs qu'ils ont réussi à mettre là-dedans. Le processeur est cadencé à la vitesse de celui du iPhone et non pas à celui de la vitesse du iPad Air. Ouais. Donc, c'est 1.3 contre 1.4. Là, on s'entend que c'est pas... C'est ça. On a des nouvelles au niveau... il y a les premières impressions qui sont sorties. Il y aurait l'écran qui n'a pas le gamut équivalent, qui n'a pas la même qualité d'écran que le iPad Air, mais je ne suis pas un photographe et, en fait, j'aime beaucoup le fait de pouvoir le tenir comme ça dans les mains. Le iPad Air est beaucoup plus léger que les anciens iPads, mais c'est pas un appareil à une main, c'est un appareil à deux mains. C'est un appareil qui était présenté pour être dans un sofa confortable, en train de consommer son contenu. Celui-là, c'est un appareil qui est plus transportable, plus rapide. Je le trouve bien intéressant. Les gens disent que c'est un gros iPad, peut-être. Moi, j'apprécie beaucoup cet appareil-là. Puis, juste une chose à rajouter. Là, je le tiens comme ça, parce que c'est le fun. Mais en mode console, Oui, en mode console. Une des petites affaires qui m'a agacé, par exemple, c'est quand tu manipules des jeux, le bouton ici, tu as tendance à l'accrocher souvent. Fait que ça me fatigue. Ben, je l'ai pas essayé, mais habituellement, en fait, je sais pas, en fait, les gens s'ils l'accrochaient beaucoup. Okay. Moi, je sais que j'ai joué à certains jeux et je l'accrochais assez souvent, ça m'énervait. Le jeu était un jeu assez action. Puis ça m'arrivait souvent de le fermer. Évidemment, les jeux, s'ils sont bien programmés, ça ne pose pas de problème. Des fois, tu peux faire planter ta game. C'est un petit peu moins. Ouais, c'est un peu fatigué. Mais sinon, je suis vraiment satisfait. Il est un petit peu plus lourd que l'ancien. Évidemment, écran Retina oblige. Et certains écrans, en fait, ont du bleeding. C'est d'ailleurs une de nos... Du bleeding. Ah oui, oui. Du bleeding de couleur. Il y a des sites Internet. D'ailleurs, on va vous le trouver. On va vous en parler un petit peu plus tard. Mais des sites Internet où est-ce que vous pouvez aller avec votre appareil. Puis, il va vous montrer si vous voyez des espèces de taches autour de l'appareil. C'est ce qu'on appelle le bleeding de lumière. Donc, ce sont les LED en arrière qui sont trop fortes. Qui font une espèce de spot. Puis, ça fait une espèce de guirlande autour. Donc, ce sont des écrans qui sont fabriqués par LG. Puis, je ne sais pas, ils ont comme toujours le même maudit problème. À chaque nouvelle version, on entend toujours des problèmes de bleeding avec LG. Ben, je parlais pas de, je voulais pas t'emmener sur ce sujet-là, mais j'ai pensé, j'ai essayé le LG G2. Okay? Oui, OK. Le Android G2. Malade, l'écran. Ils peuvent aller se rhabiller avec leur écran, eux autres. Ah ouais. L'écran est c'est débile. Ah oui. Une image là-dessus, là, je capotais. Je suis bien voyant. T'es sûr que c'est pas une image qui, au niveau des couleurs, est. C'est ouais, surgamuté. Ouais, mais non, mais le DPI est plus gros. Oui. Il est plus élevé. Il est plus élevé sur le G2 que sur un iPad mini. Oui. C'est okay. 326 sur l'iPad et sur le G2, je pense qu'il monte à 400. C'est ça. Fait que tu te l'approches ici puis tu as beau regarder à la loupe pour trouver des pixels. Ouais, ouais, c'est ça. Pas. Mais c'est vraiment, là, je l'ai essayé. Puis quand j'ai pris une photo, puis j'ai été chercher une photo sur Internet. Ouais. Et j'ai mis le comparatif en iPad. C'était quoi j'avais? Non, c'était pas ça. C'était un iPad 4, je pense, que j'avais. OK. Et j'ai mis le G2 à côté, la même photo. Il avait l'air bleaché, l'iPad. Ah ouais. Carrément, là, le G2. Bon. C'est je parle pas du côté Android, mais je parle du côté La reproduction, écran, la reproduction là, d'écran. Là, ils peuvent aller se rhabiller avec leur écran. Bon. C'est mon point de vue. Là. J'aurais aimé mieux avoir, comme tu dis, parce que tu dis que c'est un écran LG et c'est un G2 ce qui est fait par LG. Oui. Je sais pas pourquoi qu'ils ont. D'après moi, c'est un ben, il y a des sacrifices à faire, puis c'est au niveau de la consommation de batterie. Oui, peut-être. C'est de la consommation de batterie. Tu sais, la dalle, c'est comme, tu sais, je veux dire, ton produit, tu le payes 400$, tu sais, mets-en là-dedans, là, parce que, tu sais, on s'entend que Retina, c'est rendu une marque. Là. Ouais. C'est rendu une marque. Ça a toujours été ça, en fait. L'explication marketing de Apple, c'était tu ne vois pas le pixel à telle distance, et c'est vrai, en quelque sorte, mais c'est quand même... Ce n'est pas un terme scientifique, c'est un terme qui frappe l'imaginaire. Ouais. C'est ça. Fait que... En tout cas, disons que pour protéger leur marque, ils auraient peut-être... dû y aller un petit peu plus... Oui, c'est ça, parce que ça me semble que ça fait un petit bout que c'est tout le temps le même DPI hein, sur les iPads. Ça augmente celui sur le iPad Air, vu qu'ils viennent de le mettre, c'est la même... Il y a le même nombre de pixels dans le iPad mini Retina que dans le iPad Air. Donc, techniquement, il y en a plus. Si je ne me trompe pas, c'est 326 DPI pour le iPad mini, puis 300... un peu au-dessus de 300 pour le... pour l'iPad Air. Okay. Les reviews sont quand même sortis. Tu parles qu'au niveau de l'écran, le LG2, c'est sûr que si tu vas chercher dans toute la gamme des produits Android, tu peux trouver sur chacun des téléphones un ou deux features qui vont être plus intéressants. On le répète souvent au show, par contre, c'est la balance de tout ça. Mm-hmm. C'est les choix et les... pas les compromis, mais justement les non-compromis que Apple a fait. C'est-à-dire, on veut un appareil qui est léger, on veut un appareil qui est ici, un appareil qui dure au niveau de la batterie, qui sont intéressants. Et la plupart des reviews qui sont sortis disent c'est l'iPad qu'on aurait voulu l'année passée. C'est l'iPad mini qu'on aurait voulu l'année passée. L'année passée, c'était pas possible de le faire. On n'avait pas le processeur A7, on n'avait pas encore les écrans. Parce que ce qu'on pense, et on ne sait pas, on n'est pas sûr encore, mais c'est que ce sont des écrans exo qu'il y aurait là-dedans. OK. Donc, on n'est pas certain encore, on ne le sait pas. L'information n'est pas sortie. On attend les sites comme Anantech ou autres qui vont vraiment le dire. Le décortiquer. Mais normalement, pour être mince comme ça, tout ça, c'est qu'ils ont réussi à aller avec un écran exo. Puis Sharp a comme de la difficulté à les fournir actuellement. Mais pour revenir, y a quand même... Ils sont rendus moins pire en attente, là, les iPad mini, ceux-là, les Retina. Ben, ils sont sortis silencieusement. Il fallait... c'était un peu bizarre. Soit tu le commandais en ligne, puis ça, c'est sorti comme au début de la journée. Ouais, tu pouvais faire le ramassage. Plus tard dans la journée, ils ont ouvert le ramassage en boutique. OK. Fait que même si tu te présentais en boutique, ils faisaient comme, ben va sur un ordinateur réservé. Puis on va te le donner tout de suite après. Il n'y avait comme pas vraiment de ligne. Il te donnait un coupon, les coupons qu'on reçoit d'habitude quand on est en ligne. Puis il disait, OK, dès qu'on a quelqu'un qui se libère, tu vas pouvoir aller avec lui. Fait que là, il est là, Apple Care Plus? Non. Une couverture? Non. Donne-moi l'iPad. C'est combien déjà la couverture? En cuir, elle est 79$. Puis elle est 49$, je pense. Parce qu'elle n'a plus le petit attache en métal. Ouais. C'est comme tout en fini. C'est pas du vinyle, là, c'est en plastique ou en cuir. Fait qu'il se met par-dessus, mais tu n'as plus l'espèce de ligne assez épaisse en métal. OK. Fait que j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait. Il commence à avoir de plus en plus de gadgets là-bas, puis on va en parler un petit peu dans les découvertes tout à l'heure, là, mais... c'est assez intéressant. Ça fait un bout que j'ai pas été au Apple Store. Ça fait un méchant bout que j'ai pas été là. C'est comme... C'est drôle parce que je sais pas c'est quoi la tactique de vente chez Apple, mais il y a des produits des fois que tu as sur le Apple Store et que tu n'as pas nécessairement en boutique. Ça prend un petit peu de temps avant qu'il arrive. C'est bizarre des fois au niveau de l'approvisionnement. Mais ça reste à voir. Donc, on a parlé des problèmes de rétention d'image. Vous pouvez aller voir sur marco.org. Donc, c'est un site qui permet de vérifier, en fait, le bleeding. Tiens, je vais y aller. Est-ce que tu peux le montrer? Je vais le montrer devant la caméra. Marco.org. On va regarder si c'est sponsor. Hi. C'est ça? Je suis pas sûr que j'étais à la bonne place. Non, c'est des cases. Ça se peut-tu, Marco? Bouge pas. Excusez-moi, j'ai dit LG tout à l'heure, mais c'est les panneaux qui sont faits par Sharp directement. Et c'était aussi présent sur la première mouture. La première mouture. Donc, En fait, c'est effectivement sur marco.org, mais il faut aller sur marco.org/rmbp-irtest.html. Donc, mais les dons, shoot les dons sur l'écran en arrière pour montrer ce que ça donne sur le site. Pour le monde que... Apple TV. On va voir ce que ça donne sur le site. Donc, c'est un test, en fait. On laisse... ils disent « Display the grid ». Ah, ce qu'ils demandent, c'est de laisser la grille pour 10 minutes sur l'appareil et après ça, de switcher au gris. Donc, de voir, en fait, s'il y a un truc qui garde l'image. Fait que je ferai le test après le show. Je pense pas que c'est nécessaire de le faire maintenant. Non, je pense pas. On va aller enlever ça, déconnecter. Voilà. C'est cool d'avoir la télé à l'arrière. Oui. D'ailleurs, on a oublié dans nos... Je veux pas revenir dans le temps, mais on a oublié dans nos nouvelles tout à l'heure. Il fut un temps sur le site de Mac. Il fut un temps sur le site de Mac Québec où nous avions dans le temps un bouton PayPal pour donner à Mac Québec. Il y a des gens qui apprécient tellement notre travail qui nous ont contactés pour nous donner 100 boutons PayPal. Mais là, c'est ce que ça vous prenait. Il est directement, parce que me donner 20$ dans la rue, c'est pas une bonne idée. Il est directement sur le site de Mac Québec. Il est sur le homepage et sur la page du podcast. Et vous avez le choix de donner au site Mac Québec directement pour financer les différentes activités, Métiquette, entre autres, des trucs comme ça, directement le podcast, parce que Jason et ses enfants doivent manger. Ben oui. Et malheureusement, il met tout l'argent de son loyer dans des nouveautés électroniques. Des équipements. Oui, voilà, dans de l'équipement. Donc, vous pouvez faire un don à Mac Québec. On vous le rappellera à la fin du show. Tu sais, quand vous aurez lu les oreilles remplies de bonnes informations. Voilà. Donc, ça fait le tour un petit peu du iPad, mais je vous le conseille fortement. Excellent cadeau de Noël. Au niveau de l'écran, tu disais tout à l'heure là, que celui de LG, j'ai lu que l'écran du Kindle HDX, c'est un nouveau modèle. C'est de meilleure qualité, puis le Kindle HDX est quand même 229$. C'est quand même très appréciable. Tablette très puissante. Ils fessent fort Amazon avec leur tablette. Il faut comprendre que c'est pour la consommation de leur contenu à eux. C'est un environnement qui est moins complexe que celui d'Apple, je dirais. Intuitif, je pense que c'est une version, c'est leur version d'Android, là, quelque chose comme ça, c'est pour eux autres. Mais vous êtes pris solide dans l'écosystème Amazon. Okay. Voilà. Mais bonne tablette, puis je veux dire, pour quelqu'un qui consomme du Amazon, commence à avoir de plus en plus de choses sur le store canadien, ça peut être très intéressant. On va en parler tantôt. Oh, excellent. Apple, qui est en processus d'achat de la compagnie derrière le capteur Kinect pour Xbox 360. Le premier. Et donc, le premier capteur. OK. C'est pas parce que le deuxième capteur dans le Xbox One, est développé entièrement par Microsoft. OK. Parce que la première version n'était pas développée, n'était développée par cette compagnie-là qu'Apple voudrait racheter. C'est une compagnie israélienne, d'après ce que j'ai lu, qui a fait ça. Et Apple achète en fait des cerveaux, des ingénieurs, rajoute à son pool, mais habituellement, on voit des tendances. Il y a quelques semaines, ils ont engagé des gens au niveau de la mode, au niveau de Burberry, de Yves Saint-Laurent, le gars qui a fait le bracelet Nike chez Nike. Fait que là, tu sais, il va en avoir une montre, ou en tout cas, il travaille fort dessus, là. Faut dire, la compagnie, c'est Prime Sense. Oui, c'est, voilà. C'est ça. Fait que, israélienne, hein, t'as dit? Oui, et il faut dire aussi que 300... Il y a beaucoup de gros cerveaux en Israël. En Israël, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies haute technologie, des startups, puis... Ça s'en viendrait-tu le deuxième Silicon Valley, non? Oui, on peut dire Middle East Silicon Valley, je pense... C'est un univers, pas un univers, mais c'est au niveau des subventions, c'est assez intéressant aussi. Ah ouais? Un peu, c'est ça. C'est comme c'est bien si alimenté. Avec nos compagnies de jeux vidéo, qu'on leur donne de l'argent, puis... Exactement. Puis aussi, ben, il y a un marché de développement pour la défense qui alimente l'autre. Ah, OK. Si l'œil de la Kinect, il est hot pour ce qu'ils vont vouloir faire avec, c'est parce que l'armée en a une version comme... Ouais, c'est ça. Pas mal. C'est comme la deuxième armée la mieux équipée au monde, Israël. Mac Rumors qui propose de jeter un coup d'œil plus approfondi au processeur du nouveau MacBook Pro grâce à l'analyse d'une charte Geekbench. Puis, bon, Geekbench, c'est un bench au niveau du processeur. Oui. On parle d'un ordinateur qui n'est pas encore sorti, des versions de système d'exploitation qu'on ne sait pas oui, c'est quoi, qui ne sont pas exactement... sont pas optimisées. Qui manque d'optimisation. Et surtout, en fait, t'sais, ça ne calcule pas la carte vidéo dans l'appareil, mais c'est pas par jeu. Non, effectivement. Non. Le premier, en fait, qui serait le modèle le moins cher à 3099, on s'en rappelle, qui serait un 4 cœurs, fait le double de ce qu'un 4 cœurs 3.2 faisait en 2010, les Mac Pro qui sont sortis milieu 2010, et fait à peu près équivalent à un Mac Pro 6 cœurs de 2010. Pour ce qui est de la version 6 cœurs du nouveau Mac Pro, il fait à peu près part égale avec un 12 cœurs milieu 2012, ce qui est quand même pas piqué des verres, à 3,5 GHz. Et, Non, vas-y. Oui, c'est ça. Donc, c'est un 6 cœurs à 3,5 dans le nouveau Mac Pro qui fait aussi bien qu'un 12 cœurs à 2,4 de l'ancienne génération. Et pour ce qui est de la version la plus... OK, il y en a un autre. Donc, un Mac Pro 3 GHz 8 cœurs qui fait à peu près la même chose qu'un Mac Pro 3,6 GHz 12 cœurs de l'ancienne génération. Et évidemment, bon, ben là, il y a la version la plus grosse dont on ne connaît pas le prix actuellement. Qui... Hein? Okay. Ah oui, ouais. La version la plus grosse, c'est vrai, on ne peut pas faire. On ne peut pas customiser. Donc, la version la plus grosse du 2,7 GHz qui se rend presque à 30 000 points sur Geekbench. Mais on rappelle que la version 2012 du 12 cœurs faisait 25 243. Donc, pour l'instant, là, ça reste à voir, mais il semble avoir encore un peu de travail à faire là-dessus. Connaissez-vous quelqu'un qui va s'en acheter un? Oui. Oui? Ouais. On me fait signe, Trissino? Oui, oui. Ah, toi aussi? Oui. Ah ouais, au moins décembre. Oui? Vous t'achètes un Mac Pro? Moi? OK. Non, je connais la personne qui va en acheter un, c'est clair. OK. On a-tu son adresse ou une idée du chemin qu'elle va prendre pour revenir chez eux? Correct. Tu sais, avant le show, on parlait de... Oh, on va aller voir combien il coûte le Mac Pro 2012, milieu 2012 à 12 cœurs. Oui, oui, oui. Sur le refurbish. Oui. Ils sont plus là. Il n'y a plus aucun Mac Pro sur le refurbish. Puis si on regarde sur eBay... Ah, je pourrais aller voir sur eBay. Okay. En passant, je voudrais dire que sur le refurbish, il y a des iPad 4 Wi-Fi, $399. Oh, quand même intéressant. 16 gigs. 400 piastres. C'est le prix du mini 16 gigs. C'est ça. C'est le prix du mini. Fait que t'as, quand même, tu as l'iPad 4. Tu sais, c'est quand même, ouais, quand même une bonne machine. Pour ceux qui ont été sages, pas pire cette année. C'est ça. Tu mérites un bon cadeau de Noël. Mais... Milieu sage. Voilà. 469 puis le 32. On nous a mis... c'est Jean-Michel qui nous a préparé le document de d'émission avant de nous dire « So long, suckers, I'm going to Florida! » Et en fait, il y a une petite rumeur qui dit que la télé Apple ne ferait pas son apparition avant 2015. Par contre, un Apple TV avec un processeur A7 pourrait être lancé au courant de 2014. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y a eu une bêta qui est sortie pour l'Apple TV. Hier? Mais avec 7.1. Là, qui est... ouais. Oui, c'est ça. Je l'ai installé. Ça a l'air que ça améliore le fait de streamer, recopie vidéo du iPad. Ouais, comme s'il y avait des problèmes. Ça n'a rien ouais, fait. Moi, je n'ai pas d'iPad, donc je n'ai pas pu le tester. On ne sait jamais ce qu'ils font dans les mises à jour. Puis des channels, ils peuvent les rajouter quand ils veulent. T'sais, ils apparaissent. Je checkais tantôt les channels qui ont sorti aujourd'hui. Ils ne sont pas là-dessus, ils ne sont pas au Canada. Ils n'apparaissent pas sur le... C'est quoi les channels? Yahoo, puis je ne sais plus trop quoi qui est sorti aujourd'hui. Moi, j'ai juste vu Yahoo, mais... Il y en a deux. Il y a deux channels qui sont sortis sur le Apple TV. Attends un peu. Est-ce que c'est Yahoo Finance ou... C'est qu'ils ont mis à jour le logo Yahoo. Yahoo Screen et PBS. OK. Ah, PBS. Ah, oh, tu peux écouter Conan. Sympathique. Ça? Tu peux-tu écouter Conan? US, c'est ça, c'est with US. US only. Ouais, mais PBS, c'est juste... Charlie Rose. Non, puis au niveau de là, ce que ça a changé le bêta, ben chez moi, ça l'a... Ça a pas marché. Un petit peu. Non, mais ça bousille un petit peu. Des fois, j'envoie que le son de l'ordinateur à Apple TV pour envoyer la chaîne stéréo. Puis là, c'est ça. Depuis la mise à jour, c'est un petit peu comme ça. Alors, ah ouais? Alors, est-ce que tu l'as essayé avec Mavericks? Parce que j'ai oublié de l'essayer hier avec Mavericks. Oui. Je vais te montrer c'est quoi je vais te montrer c'est quoi le problème. Ah. Faut que tu... En fait, avec VLC, j'ai fait plusieurs tests là, quand tu fais la recopie vidéo. Et il faut que tu démarres VLC ou ce que tu veux streamer avant de l'envoyer sur la télé. Mais non, ou vice-versa. C'est pas le cas parce que c'est que pour l'audio. Ah, OK. J'envoie même pas la recopie vidéo. C'est là qu'il... Ah, OK. Ouais. Ouais, ben, de toute façon, c'est comme j'ai installé 7.1 sur mon téléphone. J'ai iTunes Match qui marche à moitié. Fait que, oh. Tu sais, c'est des bêta, là. Fait que c'est un risque, là. Moi, sur mon téléphone, j'étais à 7.04, la version officielle. Mm. Puis quand j'essaie d'acheter dans le in-app, ça me dit erreur sandbox. Je vais voir qu'est-ce que c'est, là, mais j'ai ce problème-là pour l'instant. Là, il veut pas faire des achats. T'en achèteras pas des Magic Stones pour Puzzle and Dragons. Non, c'est Pocket Mind, je pense. Je suis accro, c'est une affaire de niaiseux. C'est complètement ridicule. Mais en fait, c'est une bonne chose que le in-app purchase ne fonctionne pas. Ouais. Apple Maps, qui serait beaucoup plus populaire que Google Maps, malgré les commentaires négatifs de certains. En fait, les commentaires négatifs, là, ça commence à se tasser. Là. Ça commence à être... pas mal mieux que c'était. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avec une pelle chez Apple qui fait des voyages de barouette du gros trésor d'Apple puis qui s'en va pitcher sur la fournaise de Maps. Ils ont des gens pour changer le territoire pour que ce soit comme sur les cartes. Oui, voilà, c'est ça qu'ils font. Mais c'est normal qu'ils soient de plus en plus populaires, Maps, parce qu'il vient intégrer au téléphone ou iPad. Puis si Siri fonctionne, puis que tu dis « ramène-moi à Montréal », puis qu'il te ramène à Montréal, ben c'est Maps. Le monde, si ça fonctionne, le monde ne pense pas d'aller chercher Google Maps. C'est vrai. À mesure que les gens vont s'habituer, la fonctionnalité pour envoyer un itinéraire à ton téléphone à partir de ton ordinateur. Ah oui, c'est merveilleux. Là. Ça, ben c'est excellent. Puis tu peux l'envoyer à ton téléphone, mais tu peux l'envoyer par SMS, via iMessage. Ouais. C'est ce que j'ai fait avec Jason tout à l'heure, qui s'est proposé pour être mon... Ton chauffeur PIB. Voilà. Ça fait que tu vas tester en arrière. Hein? Tu vas tester en arrière. Okay. iWork, qui est sorti il y a déjà un petit peu plus qu'une semaine. Les plaintes, comme à chaque fois, pour une nouvelle application Apple. Apple, là, s'ils disent la phrase « nous l'avons réécrit au complet », ben ils l'ont réécrit au complet, ça ne veut pas dire qu'ils ont été capables de finir l'épilogue, tu sais, du... Ils ont réécrit le logiciel, c'est ça. Fait qu'ils ont enlevé quelques chapitres et donc des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités-là, en fait, il y a tellement eu une grogne. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Là, quand vous installez, et je pense qu'Apple a fait « fuck off, c'est une mise à jour, là, fuck off, c'est une ancienne version ». Je pense que tout le monde pouvait installer gratuit. Tu tapais « page », il était gratuit, tu le téléchargeais, that's it. Donc, quand tu l'installes, si tu avais une ancienne version, elle est conservée dans un autre dossier. Donc, tu ne la perds pas. Elle fonctionne. Elle est là. Tu n'as pas les nouvelles fonctionnalités. Elle n'est pas réécrite pour ton processeur 64 bits, la nouvelle mise en page, iOS 7, bon, tout ce que tu voudras. Mais ton ancienne version, elle est là. Donc, tes anciennes fonctionnalités sont là. Et tu peux commencer à travailler sur la nouvelle version. Moi, je la trouve très intéressante. Au niveau du partage, c'est bien fait, les fonctionnalités. Tu peux travailler à plusieurs dessus. Fait que ça, on ne l'a pas essayé, ça encore. Hein? Non, c'est vrai. On va l'essayer. Pour les prochains. Les prochains, on va l'essayer, l'iCloud. Bonne idée. iWork iCloud. Là. Bonne idée. Je t'ai fait partir iBook. Oui. Ils ont fait la mise à jour cette semaine. C'est vrai. Tu l'aimes-tu? Tu trouves ça beau? C'est comme... Tu l'as-tu vu? Est-ce que tu l'as-tu vu? Moi, j'ai pas vu le... Avant, c'était une bibliothèque brune. En bois. Le look, là. C'était un look, ça, j'aimais ça. En bois qui était... ouais, en bois qui fait le moins bois du monde. Oui, oui, en bois, de ça ressemble à une voiture des années 80. Là, oui, exactement. Mais côté, c'est ça, mais avec, je trouve ça, c'est assez fade. C'est drabe. Bien, c'est drabe, ça va avec le reste des trucs. Aujourd'hui, il y a Find My Friends aussi qui a été, ouais, qui a été mis à jour. Ouais. Pas téléchargeable encore. Non, là, c'est correct, ça a passé. Ah, OK, ça a passé. Excellent. Donc, il y a Find My Friends qui a été mis. Puis, il n'y a rien. C'est mise à jour de l'application pour avoir le look iOS 7. C'est tout. Là, puis, c'était comme... Et bizarrement, iBook est une des applications avec lesquelles Apple fait le plus d'argent. C'est un magasin. Ah là, oui, c'est ton entrée directe. Poker, tous les autres qui ont mis à jour, ils ne font pas d'argent directement avec. Puis celle-là, c'est une des dernières qu'ils ont mis à jour. Fait que peut-être que tu as raison. Peut-être que ça ressemble juste à... Il est allé comme sacré au vidange la texture skin, de ouais. bois. Je l'aimais, moi. T'aimais ça? Moi, j'aimais la texture de bois. C'était le fun, tu sais. C'est comme j'avais pris... Il avait fait sur Internet le même dessin en wallpaper. Fait que tu le dompais dans ton iPhone. Fait que t'avais ta bibliothèque avec toutes tes icônes de... Ah. C'était le fun. J'aimais ça. On va le partir. Lequel? Le Find My Friend? Le Find My Friend. Tu bondes là-dedans qu'on peut pas... Non, non. OK. Ah, ben, nos ambito, puis... OK. Tous ceux-là. Non, ben, là, en tout cas, il n'est pas, ouais, pas logué, là, mais c'est pas grave. Mais non, c'est ça, j'ai trouvé ça fade quand je l'ai vu. Je veux dire, c'est pas beau. Tu sais, c'est comme... Mais j'ai vu... Ce que je trouve drôle, c'est que c'est juste le chemin inverse de la boutique Amazon, la boutique Kindle, dans le fond, ouais, qui l'affiche sur un fond noir avec le même genre d'ombré. Je comprends que c'était pas ça le but, mais à un moment donné... À force de devenir simple et... zen, ben t'as pas le choix là, tu mets des ondes puis tout. Avez-vous vu juste ouais, garde ton idée. Juste avant de finir en fait les fonctionnalités qui vont revenir d'après Apple sous 6 mois. Puis Apple n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc là, c'est-à-dire on s'excuse, les enlevait, mais on les remet. Ouais, c'est ça, on les remet. Même pour Final Cut, qui tu sais, il y a eu un tollé incroyable. Ils ont dit non, ça s'en vient, puis ils n'ont pas donné de date d'arrivée, mais là, est-ce je sais pas. Ils ont dit qu'ils referaient ça pour iLife aussi? Ils ont rajouté des trucs pour iLife? Est-ce que tu as vu pas ça? Je sais pas, mais j'ouvre plus iPhoto, j'ouvre plus ça. Depuis moi, j'aurais aimé ça qu'ils leur mettent ma fonction podcast dans GarageBand. Ouais. Parce que là, ils l'ont enlevé, il faut que je prenne mon ancienne version, là, mais c'est pas grave. Là, mais j'aurais aimé ça. Oui, mais ton ancienne version est encore là jusqu'à temps qu'ils décident qu'elle soit plus là. Non, mais je l'ai dans mon ordinateur. Oui, oh, je sais, mais... C'est une chirurgie particulière quand tu dis que podcast est au centre de leur stratégie quand ils ont sorti cette version-là. Puis c'est là, ça. Tout d'un coup, c'est le mauvais bouton. C'est ça, c'est le plus gros médium iTunes pour aller chercher des podcasts. Là. C'est... Mais bon. Les fonctionnalités qui reviendraient dans Page Numbers et Keynote, il y a la toolbar customisable. C'est manquant. Ouais. Comme c'est de base. Vertical ruler, donc les règles de calcul vertical là, pour les tabulations. Un petit ami comme ceci, tu les veux là. Oui. Les guides d'alignement améliorés, le placement d'objets amélioré, l'importation de cellules avec des images, la lecture de mots, la lecture du nombre de mots. Est fuckée, elle n'existe pas ou elle est très mauvaise dans Page. Ils ont dû prendre celle de WordPress. Peut-être. Les raccourcis clavier pour les styles. Donc, j'espère que c'est pour les styles, tout le kit. C'est pas pour genre pomme B, ça fait plus bold. Ça fait pas bold, là, ouais, c'est ça. J'espère que c'est pas ça parce que. Je sais pas. Une section de thumbnail en fait sur le côté là, un peu à la Quark là, où est-ce que tu avais ton document puis tu pouvais facilement. Fait que ça c'est plus là pour l'instant. Fait que tu sais, grouille-toi. Pombe est encore là. OK, c'est bon. pour Numbers, c'est encore la barre customisable. Improvement to zoom and window placement. OK. Le déplacement de fenêtres, multi-column and range sort, donc le sorting qui n'est pas complété dans Numbers, le text autocomplete dans les cellules, l'entête et c'est quoi le en bas? Les footers, pied de page, et le le Apple Script, le support à Apple Script, en fait, qui n'est pas complet. J'ai l'impression de voyager dans le temps parce que j'ai l'impression de revoir ce qui est arrivé avec la version 1 de Pages quand c'est sorti, où les gens disaient, ben c'est intéressant votre proposition, mais il manque des outils. Oui, c'est ça. Fait que, effectivement, c'est ça. Dans Keynote, Customize Toolbar, Restoring Old Transition and Builds. Fait que si comme des transitions qui n'existent pas dans le nouveau Keynote, comme... Ouais. Des améliorations à l'écran du présentateur et, encore une fois, meilleur support du Apple Script. Donc, en tout cas, des fonctionnalités qui sont mieux de rap. Puis ils se font ramasser, hein, oui, sur oui. iTunes, là, iTunes Store, c'est débile. Je lisais les commentaires que le monde laissait, là, quand, c'est vrai? Surtout pour GarageBand. Parce qu'il y a du monde qui a GarageBand que ils l'utilisent, ils partent, là, puis genre 30 secondes en arrêt, ils se ferment. Ça plante. Ils restent pas ouverts. Puis le monde sont en. La version de logiciel, là, je sais pas si à Apple, c'est ils se sont peinturés un peu dans le coin en disant on fait une mise à jour annuelle de tous les produits, puis comme il y a une date de tombée, ben il semble être pogné avec ça. Mais moi, sur le iPhone avec iOS 7, là, puis j'ai le 5S, je l'ai déjà dit à l'épisode précédent, mais j'ai des springboard, l'écran, ouais, là, tu, l'écran tu sors une application, la pomme apparaît, puis tu as un reboot qui se fait, qui n'est pas trop long, mais le springboard vient de lâcher, puis ça redémarre. Ah. Des petits bugs. J'ai pas à redémarrer trop souvent, mais là, il va falloir qu'Apple... ils ont sorti 10.9, ils ont sorti une mise à jour de mail, et ils ont sorti 10.9.1. Pour les développeurs. Oui, c'est ça, pour les développeurs. Moi, je l'ai installé cette semaine, mais là, c'est trois fois que ça brise Antidote qui vient de mettre à jour trois exactement. Fois leur intégration. Ouais. Les gens chez Druid doivent capoter en ce moment. Ouais. Mais ils sont vite. Oui. Ils sont vite. Parce que mec 10.9.1 sort, là, lendemain là, tu vas mettre ton Antidote à jour, puis paf, il va fonctionner, là, l'anti-up, puis il va réactiver. Là. Ouais. Mais ils sont vite, mais sauf que c'est chiant, par exemple. Ouais, c'est pas parce que c'est une équipe exceptionnelle qu'il faudrait que... On compte sur ça. Là. C'est ça. Les gens sont essoufflés, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Oui, c'est ça. Y a-t-il du monde qui utilise ça, Keynote? Oui. Comment tu utilises ça? Non, oui. C'est la différence entre rentrer à une place puis avoir un BlackBerry puis un iPhone. En termes de look, là, tu regardes une présentation, tu pourrais écrire de la bullshit dans Keynote. Ben, de toute façon, c'est ce que le monde font dans des PowerPoint. Oui, mais c'est ça. Mais non, ben, ouais. Mais c'est plus PowerPoint ou Keynote? Je dirais que ça va être PowerPoint quand c'est plus pour des idées qui sont à débroussailler en équipe, mais quand c'est pour présenter à des clients, présenter en publicité, en jeu vidéo, moi, je sais qu'il est très utilisé. Là, vous allez dire, en jeu vidéo, qui utilise des Mac, ben c'est ça. C'est l'équipe de communication et de promotion. On est moins dans les tranchées de programmeurs. Okay. Mais non, définitivement, le fini est tellement... C'est magique, là. C'est, on va faire un effet de feu. Puis là, ben, on met l'effet de feu de Keynote, puis c'est beau la première fois. Plutôt que d'aller chercher un GIF animé, de je sais pas quoi, puis mettre dans PowerPoint, puis qu'il plante. Voilà. Pour ceux qui auraient acheté la garantie prolongée de Apple et qui bénéficieraient du support AppleCare, le service de support AppleCare permet maintenant l'utilisation du partage d'écran pour régler les problèmes des clients plus rapidement. Oui. Intéressant comme offre. Moins pour ClickPom, mais bon. Oui, mais sauf qu'avant, c'était long parce que là, ça fonctionnait par courriel. Tu sais, pouvez-vous m'envoyer un screenshot de votre écran, ces affaires-là? À ce temps, ils l'ont intégré carré dans leur site. Je ne sais pas comment ça marche parce que je n'ai pas d'AppleCare avec moi. C'est LogMeIn ou une autre solution comme ça. Oui, c'est ça. Ils ont peut-être contrôle. Backdoor VNC. Oui, on le sait comment rentrer dans votre ordi. Oui, c'est ça. Non, c'est correct. C'est plus commun pour tout le monde là, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment faire un screenshot. Là. C'est toujours drôle de voir, le screen sharing puis le remote desktop, c'est des fonctionnalités qui existent en entreprise depuis des lunes. Pis c'est toujours drôle de voir une personne à qui tu prends contrôle de l'ordinateur. Nous, on utilise beaucoup TeamViewer, qui est une super application. T'as-tu mis à jour? T'as-tu essayé la version 9? Non, oui, oh, c'est, oui. C'est cool. J'utilise TeamViewer. Des tables aussi, ils ont rajouté. Ils ont acheté des tables dans le Oui, oui, c'est vrai. Oui. Donc, on utilise ça, puis ça va très bien régler les problèmes à distance. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Tu peux faire plus de monde pendant une journée. Mais j'aime mieux un remote desktop. C'est plus cute. Tu sais, moi, les rideaux qui se ferment, là, touchez pas à l'ordi, je suis en train de travailler. Moi, j'ai le temps de trouver ça drôle, là, tu sais. J'avoue, quand tu prends le contrôle, il y a un petit rideau qui se ferme. Mais c'est quand même une application qui commence à dater un peu, là. À part la rendre compatible de version en version, il n'y a comme pas grand-chose qui se fait de ce côté-là. Puis c'est ce qui laisse la place à LogMeIn, tout ça, et Screens, dont on va parler un petit peu plus tard sur le podcast. Donc, voilà. Rogers et Fido qui bonifient leur offre d'utilisation en itinérance. Ah, oh, merci, Rogers et Fido. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on a exactement? Oui, vas-y donc. 50 7,99 pour 50 megs. C'est malade. Sinon... Ça dure 24 heures, là. Ça dure 24 c'est heures. C'est juste 24 heures. 24 heures. Daily standard rate, ouais. Puis là, texte et voix. Ouais, c'est pas là. C'est ça, là. Il n'y a pas de data là-dedans. Là, OK. Oui. Pour 100 $, pour 80 $, t'as 100 minutes. T'as des textos illimités. Quand même. Puis du data, tu as 500 MB et ça, c'est bon pour un mois. Donc, c'est des forfaits de 7,99 juste pour du data à 80 $. 7,99, oui. OK. Tu sais, ça me dérange pas de payer un 8$ si je m'en vais passer une journée aux États-Unis. 50 MB, tu ris de moi. Ben, c'est ça. Là. Je prends mes courriels, puis ça donne qu'il y a un PowerPoint d'inspiration divine de trop et ça vient de finir. C'est fini. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est pas intéressant. Qu'il y ait le texto illimité, c'est correct. Bien, encore. Parce qu'il faut que tu y penses de fermer ton iMessage. Là. Ouais. Parce que si tu fermes pas ton iMessage, là, tu consommes du bandwidth. Tu envoies ton data. Fait que faut pas que tu l'oublies de le fermer. Effectivement. Fait que. Donc, bel essai, mais quand même, si vous allez aux États-Unis, on vous recommande fortement l'utilisation d'une carte Roam Mobility, qui est beaucoup plus intéressante là, à l'utilisation. J'en vends à tonnes. Ouais. C'était cœur. La seule chose, par exemple, c'est que votre numéro de téléphone va être américain au lieu d'être canadien. Mais quand même, quand on veut l'utilisation de son téléphone... Quand on est dans une ville, c'est pour communiquer local, savoir faire des réservations de restaurants, des trucs comme ça. Réservations de trucs touristiques. Non, c'est vraiment pas... 90 $ pour 30 jours, tu as 9 gigs de data. C'est plate, ça fonctionne pas ici. Non. Parce que ça, c'est à T-Mobile. Hein? OK. Fait que, mettons, si T-Mobile serait venu ici, puis eux autres seraient venus avec, oublie ça, là. Les Rogers, puis les Bell, puis les Telus auraient fait... On va vous revenir dans... C'est tout, en fait, pour les nouvelles. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous avaient titillé dans l'actualité? Je pense qu'on a pas mal fait... Ça fait pas mal le tour. Voilà. Donc, on va vous revenir dans quelques instants avec la chronique de Jean-Michel. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Mac Québec, le podcast. Voilà, on est de retour. Jean-Michel, comme je l'ai dit en début d'émission, est parti en vacances en Floride, voir s'il pouvait s'ouvrir un motel ou peut-être capturer une tornade, je ne sais pas. Tel que je le connais, il est dû aller aux États-Unis puis aller faire toutes les targets pour voir ça sera amélioré là à comparer ceux du site là. C'est comme il a fait un genre de line-up quand ils ont ouvert à je sais plus trop où là. On le rappelle, Jean-Michel aime bien la compagnie Target et il nous parle aujourd'hui de iPhone et de frais d'itinérance. Même lorsque je suis en vacances, j'aime bien rester connecté et continuer de profiter de toutes les fonctionnalités que mon iPhone offre. Cette pratique fait par contre peur à plusieurs utilisateurs en raison de toutes les histoires d'horreur vécues par certains qui ont reçu des factures de plusieurs milliers de dollars lors de leur retour au Canada. Même si certains fournisseurs spécialisés offrent des solutions économiques aux clients possédant des appareils débarrés, certaines personnes ne possèdent pas ce type d'appareil ou n'ont tout simplement pas la possibilité de faire débarrer le leur, en raison parfois de différentes politiques imposées par leur fournisseur principal. Pour ceux qui, par choix ou par obligation, doivent utiliser le service offert par leur fournisseur de services lors d'un voyage au Canada ou à l'étranger, voici un aperçu détaillé de toutes les opérations qui sont susceptibles d'engendrer des frais supplémentaires sur votre facture mensuelle. Avant de débuter, il est juste important de noter que certaines politiques des fournisseurs pourraient être modifiées sans préavis ou ne pas s'appliquer à tous les cas selon les modalités de certains forfaits spéciaux ou ententes propres à chacun des utilisateurs. Si vous avez des questions spécifiques concernant les services auxquels vous êtes abonné, veuillez s'il vous plaît contacter votre fournisseur de services avant votre départ dans la mesure du possible. Pour la transmission de la voix, au Canada, les appels locaux effectués dans la zone locale où vous vous trouvez au moment de faire l'appel ne sont pas considérés comme un appel interurbain, même si votre numéro provient de l'extérieur de cette zone. Par exemple, si vous avez un numéro de téléphone commençant par 514, donc associé à la zone d'appel de Montréal et que vous vous trouvez à Toronto, un appel à un numéro situé à l'intérieur des limites de la ville de Toronto ne vous coûtera aucun frais supplémentaire. Pour les appels effectués vers une zone différente de celle où vous vous trouvez, des frais d'interurbain qui varient entre 20 et 70 sous la minute généralement s'appliquent en plus de déduire du temps d'antenne de votre forfait. Pour les appels entrants, dès que vous vous trouvez à l'extérieur de votre zone locale, donc la zone où l'indicatif régional de votre numéro de téléphone est associé, des frais d'interurbain similaires à ceux pour les appels sortants vont s'appliquer. Ailleurs dans le monde, tous les appels entrants ou sortants, qu'ils soient locaux ou internationaux, vont être facturés au tarif international de votre fournisseur, qui peut atteindre, selon l'endroit où vous vous trouvez, jusqu'à 5 $ la minute. Pour la transmission de données, au Canada, peu importe où vous vous trouvez au Canada, il est possible d'utiliser le forfait de données comme vous le faites à partir de chez vous. Il n'y a aucun frais d'itinérance ou d'interurbain pour les données utilisées à l'intérieur du Canada sur le réseau de votre fournisseur. Dans certains cas, il se pourrait que votre appareil se connecte automatiquement sur le réseau d'un fournisseur partenaire au vôtre. Cette situation se produit principalement en région éloignée où la couverture cellulaire est moins bonne. Des frais s'appliquent généralement au transfert de données fait sur un réseau partenaire. Et puis, la situation est similaire pour les abonnés de Vidéotron et d'autres fournisseurs de services urbains, comme par exemple Public Mobile, Chatter, Mobilicity ou Wind. Et d'autres petits fournisseurs, quand ils se trouvent à l'extérieur de la zone de couverture de leur fournisseur, qui est souvent limitée aux grands centres urbains ou à des provinces spécifiques, tout dépendamment du fournisseur. Aux États-Unis, tout comme avec les forfaits voix, toute utilisation de la fonction de transfert de données lors d'un déplacement va être facturée en excédent du forfait mensuel. Chez la plupart des grands fournisseurs, les tarifs d'utilisation tournent autour de 1 $ par mégaoctet. Par exemple, une photo prise avec un iPhone qui peut peser jusqu'à 5 mégaoctets en calculant la consommation qui n'est pas contrôlée par l'utilisateur lors de l'envoi de la photo, par exemple la synchronisation d'éléments d'iOS. Ça pourrait faire que l'envoi d'une simple photo sur Facebook, par exemple, ça pourrait coûter jusqu'à 10 $. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, c'est toujours recommandé de laisser la fonction « Donner à l'étranger » de votre iPhone à sa valeur par défaut, c'est-à-dire en position éteinte. À l'extérieur des États-Unis, les tarifs de transfert de données varient et sont généralement plus élevés, peuvent atteindre jusqu'à 15 $ par mégaoctet. La même recommandation s'applique donc pour la fonction « Données à l'étranger ». Pour les messages textes, peu importe où vous vous trouvez au Canada, vous pouvez ou envoyer ou recevoir des textos comme vous le faites chez vous. Il n'y a aucun frais d'itinérance ou d'interurbain pour ce service à l'intérieur du Canada sur le réseau de votre fournisseur encore. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, tout comme avec les forfaits voix et données, tout envoi de messages texte, photo ou vidéo lors d'un déplacement sera généralement facturé en excédent de votre forfait mensuel. Chez la plupart des grands fournisseurs, aux États-Unis, les tarifs d'utilisation tournent entre 75 sous et 1 $ par message texte envoyé. Puis c'est un peu la même chose là, ailleurs dans le monde. Les messages photos et vidéos sont facturés généralement au même tarif. En plus de frais de transmission pour messages photos et vidéos, et des frais de transmission de données encourus par la transmission du fichier. Dans ce cas-là, c'est la même chose que les frais de données si on envoie directement la photo. Donc, une photo pourrait atteindre jusqu'à 10 $ de frais de transmission de données, là, dépendamment de la photo, dépendamment de l'appareil. Il est important de vérifier également avec votre fournisseur, avant le départ, la politique concernant les messages texte, photos et vidéos entrants, car celle-ci varie beaucoup entre les fournisseurs. Rogers, Fido et Chatter ne facturent généralement rien à leurs clients pour les messages texte entrants, mais certains autres fournisseurs, comme par exemple Bell et TELUS peuvent facturer jusqu'à 50 sous par message texte entrant lorsqu'on se trouve à l'étranger, même si ceux-là sont inclus dans le forfait au Canada. Pour les autres services, bonne nouvelle, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, il n'y a aucun frais pour utiliser la puce GPS de votre appareil. Vous pouvez donc utiliser les applications de géolocalisation qui ne nécessitent pas de connexion Internet. Donc, par exemple, les applications de navigation publiées par TomTom ou par Garmin, ou encore l'application CityMaps2Go, qui, cette dernière, vous permet de pré-télécharger des cartes OpenStreetMap pour les zones où vous vous rendez dans le monde. Donc, ces applications-là vont être sans frais tant et aussi longtemps que le téléphone utilise uniquement la fonctionnalité GPS et ne se connecte pas au réseau du fournisseur local. Les photos prises avec l'appareil vont être également géolocalisées automatiquement et sans frais, puisque c'est une fonctionnalité qui utilise aussi juste la puce GPS de l'appareil. Pour les services iMessage, FaceTime et la messagerie vocale visuelle, les tarifs d'utilisation de données s'appliquent parce que ces trois services-là sont des services qui utilisent en fait des données, même la messagerie vocale visuelle. Si vous ne voulez pas accumuler des frais de transmission de données pour consulter vos messages vocaux, il vaut mieux appeler directement le numéro de téléphone de votre boîte vocale. Finalement, tous les fournisseurs possèdent un numéro qui vous permet de les rejoindre sans frais, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. C'est généralement pas le numéro 1-800 que vous utilisez au Canada, mais c'est un numéro qui est disponible là, facilement sur le site Internet de chacun des fournisseurs. C'est utile pour pouvoir estimer les frais d'utilisation de l'utilisation que vous avez faite durant votre voyage. Alors, encore une fois, je le répète, c'est des informations générales. Ça se pourrait que ça varie selon le forfait et le fournisseur que vous avez. Puis même chez certains fournisseurs, il y a certains forfaits qui n'ont pas les mêmes tarifs d'utilisation à chaque fois. Donc, c'est vraiment, vraiment important de contacter votre fournisseur avant de partir en voyage. Eh bien, je vous remercie et puis j'espère que ça vous a aidé et que ça va rendre votre prochain voyage plus facile. De retour à Alexis, Jean-François et Geneviève en studio. Bonjour et re-bienvenue en studio. On souhaite que Jean-Michel nous retrouve dans deux semaines avec un teint basané ou du moins une meilleure expérience du Target américain. On voulait vous présenter aujourd'hui une application parce que, vous le savez, Mac Québec sert à la promotion des initiatives québécoises en termes de tout ce qui est Apple. Et la compagnie Edovia, qui existe en fait depuis longtemps, l'équipe de Luc Vandal, qui est organisateur du Singleton, une espèce de conférence de développeurs qui est très sympathique, d'après ce que j'ai entendu dire, et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça prend son essor, là, ouais. Oui, c'est vraiment un pôle intéressant pour les développeurs à Montréal. C'est organisé chaque année, si je ne me trompe pas, c'était le mois passé ou le mois d'avant. Et il va en avoir évidemment une autre version. Donc, Edovia qui nous revient avec la version 3 de Screens, leur application de management à distance, de remote management. Maintenant en version 3 pour l'interface graphique de iOS 7. C'est un logiciel qui permet de contrôler à distance son ordinateur. Puis si vous ne voulez pas vous casser la tête, parce que ça supporte plusieurs protocoles, mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, Edovia fournit un client qu'on installe sur son ordinateur. On crée un compte avec Screens. Et à ce moment-là, en fait, dans l'application, c'est très, très facile de programmer. En fait, c'est fait à votre place pour la programmation du contrôle à distance. Pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, bien, d'abord, il faut mentionner que c'est une application qui est universelle, donc qui va fonctionner autant sur votre iPhone que sur votre iPad. iPad, là, c'est assez le fun là, de prendre contrôle de... Oh, ouais, c'est parce que vraiment cool. iPhone, c'est un peu dur. La qualité d'écran est là. Il faut que tu zoomes et tout ça. Les protocoles qui sont supportés, il y a le SSH, le VNC et le RDP. Qu'est-ce que le RDP? RDP, c'est Remote Desktop. Mais c'est pas d'accord. OK. Voilà. Et SSH, Secure Shell, VNC, c'est... Je sais pas si ça veut... Network... Non, VNC, c'est... Je sais pas. C'est une bonne question. Voilà. Voilà, c'est un protocole qui est très, très léger d'abord. Donc, Virtual Network Computing. Voilà. By the way, qui est un protocole supporté par, par Safari. Quand tu veux prendre contrôle d'un ordinateur par VNC, tu tapes vnc:// l'adresse du serveur. Ah ouais? T'es rendu, tu rentres ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et tu prends contrôle. Et c'est vraiment très, très léger. Ça va vraiment très vite. Ah. C'est super. Ça supporte les claviers externes, si vous préférez un clavier physique, mais il y en a un qui apparaît à l'écran, ce qui est très bien. Il y a des raccourcis rapides. Il y a une barre, en fait, de raccourcis, copier-coller, puis tout le reste. Il y a un support, en fait, il y a les coins qui sont actifs, qu'on peut programmer pour différentes actions. Et quelque chose de très, très chiant quand on utilise un programme de remote comme ça, c'est que si la personne a deux écrans, ce qui arrive de plus en plus, puis toi, t'en as rien qu'un, tu vois rien qu'un écran. Ouais. Donc, y a de quoi pour switcher d'un écran à l'autre très, très facilement. Oui, effectivement. Ben, en fait, oui, non, c'est pas vrai. Y a de quoi pour le faire. L'espèce de barre qui apparaît en bas, là, à la façon du dock, c'est-à-dire en haut, permet d'aller dans Display puis choisir Display 2. Ah, OK. Fait que ça, tu peux le faire. Mais celle-là est de nos amis d'Edovia. Elle est très, très belle. On remarque beaucoup que l'application est réfléchie dans un premier temps. Ils vont chercher très loin au niveau du positionnement de leurs éléments, tout ça, pour que ce soit très facile à utiliser. Puis c'est une application quand même... bon, c'est professionnel, ça supporte beaucoup de protocoles, il faut le comprendre. Elle est à 19,99 et on en a une à donner. Donc, il me semble qu'on en a plus qu'une même à donner. Donc, si tout à l'heure, vous nous posez des questions... Non, je les ai dans mes emails. Dans tes emails? Okay. Oui, voilà. C'est Luc qui m'a écrit lui-même pour offrir aux auditeurs de Mac-Québec des trucs. Je pense qu'on va en donner un aujourd'hui. Et puis, si je me trompe pas, il devrait avoir un review complet de l'application qui va être fait sur Mac Québec. Puis à ce moment-là, il va y avoir un autre. Combien on a, trois? Deux, je pense. Bon, deux. Il y en a déjà une. Où est-ce que tu veux aller là? On a déjà mis une. Oui, on a déjà une. Voilà. Donc, on voulait attirer votre attention cette semaine sur Screens 3 de Edovia. Sinon, on passe à nos découvertes en termes de nouveaux gadgets, applications, tout ça. Donc, je vais te laisser aller avec la tienne que j'ai mis en premier. Tu m'as envoyé ça tout à l'heure. Ah oui, mais je vais en avoir un autre aussi. Excellent. Vas-y, laisse-toi aller. Amazon ont sorti, pas Amazon, c'est Otherbox. C'est un case iPhone rigide, dur comme ça. Tu peux échapper ça à terre. Ton téléphone ne casse pas. Tu peux lancer de haut. J'ai fait les tests. Il fallait tomber. Oui, mais moi, j'ai encore un iPhone 4, donc je ne veux pas le tester parce que je veux le changer. Ensuite, je garde en mémoire. C'est ça, génial. Parce que même s'il tombe comme ça, il y a quand même un rebord. Ton écran ne cassera jamais, à moins que ça pogne quelque chose dans le coin. Mais tu l'échappes à terre. Il ne cassera jamais. Là. J'ai fait ça de bien plus haut. Là. C'est comme, oublie ça. Là. Faut dire qu'à l'extérieur, c'est un shell rigide. Ouais, c'est... Mais à l'intérieur, c'est comme les biscuits Chips Ahoy, c'est mou. Oui. Quoi? Ça dépend lesquels. Puis, by the way, t'as-tu remarqué, quand les chips sont mous puis qu'ils sont vieux, ils deviennent durs, les durs, ils deviennent mous. Oui. C'est weird, ça. Mou. Je pense que si on a un titre pour l'émission aujourd'hui, ça va être deux fois. L'appel du mot. Le mot de la journée est mou. Ouais. Donc, moi, je le trouve... il protège vraiment très bien. Ouais. Il n'est pas si gros que ça. C'est le modèle de Muter. C'est étonnant, Et en fait, les boutons sont joignables. Souvent, une des problématiques, et on en avait souvent parlé au podcast, c'est que l'ouverture pour le flash et pour l'objectif est trop petite. Oui, puis là, ça fait une ombre. Ça fait une ombre. Le flash est tout fourré quand il fait ses calculs. Puis là, tu as comme la moitié de l'image qui est tout croche. Ça te fait des super belles photos Instagram, mais c'est pas ça que je veux prendre dans la vie. Et ça te laisse, en fait, voir la pomme, puis voir un minimum que j'ai le gold, Moi, j'ai le gold iPhone. Bling, bling. Ouais. Là, je vais dire, okay, pourquoi avoir le Kardashian phone? D'accord, pour, ouais, pour se faire voler son téléphone sur le coin de la rue Sainte-Catherine. Voilà, parce c'est qu'on ça. A ce le qui vaut 2000. Oui, c'est ça. Ben, pour revenir à mon histoire, ouais. C'est que Amazon offre le Otterbox Defender, la version avant. OK. C'est pas la même, c'est pas la même que nous. Ah, c'est pas le commuter, non, OK. Nous autres, non, c'est ça. C'est le Defender, c'est la version un peu... moins rigide, je ne sais pas comment qu'il... Non, je pense que c'est un petit peu plus gros, peut-être. Un petit peu plus gros? Oui. OK, bon. Il est à 7,99. Je crois que c'est juste pour aujourd'hui. Grouillez-vous. Les 20 que qui ouais, nous écoutent là. Tantôt, j'ai checké à 7,35. OK. Puis, c'est seulement pour iPhone 5. Pas pour iPhone 5S, okay. Parce que ça ne fonctionne pas avec le Touch ID, parce que ça recouvre le... Ah oui, oui, OK. Recouvre le bas ici. Ah oui, parce qu'il y a une couverture en plastique ouais. Par-dessus, il faudrait découper. Là. C'est ça, exactement. Fait que ça ne fonctionne pas pour le 5S. Et ça ne fonctionne pas pour le 5C non plus, parce qu'il est d'une forme différente. Oui, il est d'une forme différente. Fait que c'est 7,99 au lieu de, je pense, c'est 24 $. J'ai vu le prix Rattle, fait que c'est ça. Pour ma part, en fait, la découverte que j'ai faite, c'est pas encore en magasin. Je pense que vous pouvez le commander directement sur le site de Griffin. C'est le Moto TC Rally de Griffin. La publicité, c'est une auto téléguidée qui se connecte au iPhone et qui est contrôlée par le iPhone. Et un petit peu, donc c'est, contrairement au Anki Drive qu'on a présenté il y a deux semaines, c'est pas une auto équipée d'intelligence artificielle. C'est vraiment une auto qu'on conduit. Exactement. Par contre, un des éléments qui est repris du Anki Drive, c'est l'armement. Donc, un armement virtuel qui apparaît sur votre écran. Et là, vous pouvez tirer sur l'autre. Puis l'autre, s'il reçoit les balles, bien, probablement que ça ralentit le véhicule. L'auto est quand même assez grosse et elle est vendue 99 $, ce qui est quand même pas mal. Ce que j'ai trouvé intéressant, si je ne me trompe pas, c'est ce produit-là. L'annonce du produit que Griffin a fait, c'est ça se veut un calque des... c'est ça se veut un calque... je ne sais pas si ça vous rappelle... Les annonces, si vous écoutiez les bandes dessinées quand on était jeune, de Tyco. C'est la compagnie qui faisait des autos téléguidées à l'époque. Qu'on pouvait acheter chez Radio Shack. Oui, exactement. Effectivement. Oh, donc, wow. Elle est en bleu, elle est très belle. C'est une auto de rallye. Et donc, il y a une petite bande pour compter les tours. Tu peux jouer à rentrer, à Mario Kart. Voilà. Et si je ne me trompe pas, j'ai vu... Ouais, tu peux upgrader ton auto, faire du in-app pour planter l'autre solidement. Tu peux ajouter de l'armement, tout ça. Et tu peux tirer, si je ne me trompe pas. Earn bonus and attack! Avec les petits ralentis là, des enfants qui s'amusent. Si je ne me trompe pas, le chargement de la voiture n'est pas trop long. Et c'est quand même assez intéressant. Il y a du fun à se faire avec ça. Fait qu'on la voit ici. C'est pas encore rendu en magasin, mais vous pouvez le commander juste à temps pour moi, pour Noël, sur le site de Griffin. 100 $! 100 $! 100 $! 100 $. Voilà. Vas-y donc avec... toi, t'as-tu une découverte? Oui, en fait, il y a le service Uber qui est... Uber, si vous êtes gamer, qui est un service de taxi intelligent. Qui vient d'être lancé à Montréal. Oui. Donc, dans certains taxis, toutes compagnies confondues, l'opérateur du taxi va avoir une petite boîte GPS par laquelle il peut accepter de prendre des transactions. Puis moi, dans l'application, je peux aller appeler mon taxi. L'application me géolocalise. Oui. Géolocalise les taxis qui sont dotés de la boîte autour de moi. Il va me dire, si tu appelles le taxi présentement, on estime à 5 minutes, exemple, la prochaine course. Quand ton taxi répond à l'appel, tous les autres disparaissent de la carte. Tu peux voir ton taxi qui s'en vient vers toi. Mm-hmm. Donc, pas besoin de se les geler dehors en mois de janvier en se disant « Mon taxi va arriver bientôt. Là, je viens de l'appeler. » Donc, on sait précisément où est-ce qu'il se trouve. C'est super le fun aussi parce que ça amène une certaine convivialité qu'on a perdue dans le taxi quand on le prend parce que le chauffeur de taxi a notre nom. Donc, ça, on le sait dès quand on l'appelle Geneviève. Mais là, c'est Geneviève et moi, j'ai son nom aussi. Alors, bonjour Paul. Et puis là, j'embarque dans son taxi. Puis, ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Puis l'application, le tagline, c'est votre chauffeur privé, mais ça a quelque chose de sympathique de sortir du taxi sans payer. Donc, on se dit bonne journée. Et puis, l'application... Est-ce que c'est payé directement sur le... l'application? Oui, on se crée un compte avec le service Uber. On entre notre carte de crédit. Puis, on reçoit une facturation à mesure. Ah, ça, c'est hot, par exemple. Parce qu'il y a, l'application Tag Taxi à Montréal. Oui. Qui est développée à Montréal, qu'on a rencontrée. C'est une application qui est très, très belle. Je n'ai pas regardé l'application dernièrement. Je ne sais pas s'ils ont intégré cette fonctionnalité-là. Non, parce que moi, je l'utilise encore, Tag Taxi. Non, OK. Ça offre un peu ce que tu as dit, là, c'est-à-dire suivre son taxi. Mais, Les deux killer apps, pour moi, de l'application, il y a... Bon, donc, on fait le paiement, on peut déterminer par avance le montant de pourboire qu'on veut laisser, le pourcentage de pourboire qu'on veut laisser. Courtoisie automatique. Et on peut donner une note à notre conducteur. Et le conducteur va donner aussi une note au passager. Au passager, c'est cool, ça. Alors, si vous prenez le taxi type éméché, comme de la merde. Pensez à mettre votre type comme du monde, comme ça, le taxi. Et puis, si vous êtes un bon citoyen, ce que tout le monde est, ben on peut s'imaginer que les taxis vont s'empresser à aller chercher les gens qui laissent des bons types et qui sont agréables pendant les courses. Ah. Donc, voilà. C'est donc Uber. Je vais le mettre sur mon Twitter. Présentement, jusqu'à demain, vous avez droit à 3 courses gratuites. Ouh. Puis, par la suite, il y a un système de référence par lequel, si vous connaissez quelqu'un qui utilise le service, ben vous avez droit à 10 $ de crédit. La personne a aussi 10 $ de crédit. Tu peux dire que ça veut dire que je pars d'ici, je peux me pogner un taxi jusqu'à chez nous, ça me coûtera... Zéro. Puis, le mettre en service de l'application, c'est à peu près 5 minutes. Là. C'est vraiment très rapide. On va tellement faire ça. Je vais tellement faire ça pour m'en aller chez nous. Excellent. C'est un service qui est disponible seulement à Montréal, sur l'île de Montréal? Sur l'île, bien, en fait, moi, je suis dans Verdun. Vous pouvez me suivre chez moi et venir m'attaquer. Puis, dans Verdun, aujourd'hui, j'ai une expérience de commande où le taxi, c'est décommandé. Non, je ne suis pas sur la web. Décommandé? Oui. C'est trop le hood? C'est trop le hood. Il a changé d'idée. Je vais pas dans le hood. Mais en fait, je l'ai utilisé quelques fois, là, puis à proximité. C'est sûr qu'à Pierrefonds, je ne sais pas à quel point ils vont se déplacer, mais c'est les mêmes réticences que les taxis auraient normalement. C'est les mêmes taxis qu'on a d'habitude. C'est pas une flotte séparée. Le service Uber, je pense qu'il a commencé, si je ne me trompe pas, soit aux États-Unis ou en Angleterre. Est-ce que c'est le même concept? C'est quoi, eux autres? Ils font le lien, en fait, entre l'utilisateur de mobile et la compagnie de taxi. Voilà, eux, ils fournissent... Okay. En fait, non, c'est pas avec la compagnie de taxi, c'est avec les conducteurs de manière individuelle. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça va faire au marché du taxi. Est-ce qu'on peut répéter le site web? C'est uber.com. Uber.com. Oui, c'est un mot allemand, si je ne me trompe pas, Uber. Oui, Uber. Puis, tu as aussi... Il y a la possibilité de louer des véhicules de luxe aussi par le service. Nice. Je n'ai pas essayé encore. Il n'y a pas de gratuité pour ça. Dommage. Les gens de Uber nous écoutent, on aimerait ça. Le show finit à 20h, 22h ici. On aimerait ça avoir une limousine. c'est quoi le gros truck? Le Hummer. On veut une limousine Hummer pour la gang du podcast devant le au 55 Mont-Royal-Ouest. Il y a un produit Kickstarter, on aime bien la plateforme Kickstarter, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, qui semble intéressant, mais il y a quand même des questions non réglées. C'est la carte Coin. Mm. Donc, c'est une carte multi-usage qui permet de stocker la piste magnétique de jusqu'à 5 cartes. Donc, il y a un petit écran LCD dessus qui permet de switcher d'une carte à l'autre avec des petits boutons. Donc, en haut, en bas, select start, BA. Puis là, ça remplit toutes tes cartes, ça paye toutes tes cartes avec le Konami Code, on espère. Mais vous pouvez trouver ça sur onlycoin.com. Moi, la question que je me suis posée, parce que ça a commencé à spinner un peu sur les médias sociaux, c'est oui, mais nous autres, on utilise la puce. Oui, c'est ça, il n'y a pas de puce. La barre, c'est fini. Il y a encore des endroits qui sont pas à jour au niveau de la machine. Mm-hmm. Où est-ce que ça pourrait fonctionner? J'imagine aussi que ça peut prendre... Bon, peut-être qu'il y a d'autres endroits qui utilisent la technologie de bande magnétique. Puis je pense dans aussi que... Dans les dépanneurs du Bon Coin. Oui, c'est ça. Sur Silk Road. C'est ça. Voilà, donc c'est un produit qui est intéressant, mais peut-être aux possibilités limitées au Canada pour l'instant. Et sinon, on vous invite. Toi, t'avais-tu un. T'en avais-tu oui, j'en ai un autre. On a fait un article cette semaine sur un jeu qui s'appelle Oceanhorn. Oui. C'est super intéressant. T'as joué avec? Oui, j'ai joué avec. Je l'ai acheté. Je pensais pas qu'on l'avait dans. Ouais. J'ai acheté, mais bon. C'est le fun. C'était un Zelda sur iOS, un copie conforme du. Ben, pas c'est un, c'est un. Ben, tu lèves des pots au-dessus de ta tête et tu garoches un peu partout. C'est ça, c'est ça. Avec le vieux à côté qui est là puis qui te regarde qu'est-ce péter ses pots. C'est ça, puis comme juger les carrés rouges. Ouais. Quoi? Fait que, oui, c'est ça. Fait que j'ai joué un peu cette semaine avec. Et. C'est le fun, c'est très intéressant, c'est super beau, ça a pris 2 ans à développer. Là. C'est comme... Ah non, plus que ça. Plus que 2 ans? Il me semble que c'est 5 ans que ça a pris à développer. Ah ouais? Oui, oui, si tu lis sur... si tu vas lire, là, ils te disent Oceanhorn, puis ça a pris un temps... Là, j'ai vu partout, moi. Ça se peut 2 ans, okay, en tout cas, je me trompe peut-être, fait mais ce qui est long pour un développement de jeu. Oui, ce qui est long, parce que ouais, c'est ça, parce que c'est pas gros, là, c'est pas un gros jeu comme mm-hmm. Need for Speed, ces affaires-là. Super le fun, la seule affaire, c'est que... les contrôles. Les contrôles, hein? C'est les contrôles, le problème. C'est okay. Que le bouton, je sais pas si je... Oh, ben, je pense pas. On peut faire envoie ça. On peut faire ça ici. Envoie ça sur Télécino. Les contrôles. Ici, tu as ton bouton attaque ou pour parler avec des boîtes et du monde. En bas à droite. En bas à droite, c'est ça le problème. Ah c'est, oui? C'est, ben moi, c'est ça le problème. Avec, aussi avec le bouton où ce qui est le petit bouclier ici. Oh oui, OK. Avec les pouces, les doigts, des fois, quand tu bouges ton bonhomme, ça bouge pas tout le temps parce que t'es souvent accroché au bouclier. Okay. Et des fois, ça fait apparaître le menu qui se déroule vers de droite à gauche, okay. Qui t'arrive dans la face, en plein milieu d'une petite bataille, tu sais. OK. Mm. Ouais, c'est le fun. C'est super le fun, mais sauf que c'est pas les contrôles. Bon, peut-être sur un iPad. Je sais pas sur un iPad comment c'est. Mais sur iPhone, vu que l'écran est plus petit, c'est un peu décevant. C'est dommage pour une application comme ça parce que il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont attraper par la première impression. Ce jeu-là, esthétiquement, c'est un jeu AAA là, pour la plateforme iOS, avec toutes les capacités qu'elle a. Mais le jeu, au niveau de ce qu'on peut voir... De ce qu'on peut voir sur le iTunes Store, les notes sont pas terribles. Non. Ben en fait, c'est mitigé. Là. Tout le jeu est intéressant, mais vraiment, l'expérience est cassée par, ouais, par, les contrôles. Par le contrôle. Par le contrôle. C'est ce que j'avais vu aussi. Ce qui m'amène à... Ah, c'est quoi ça? Oh. C'est le Apple... En fait, c'est Cupertino. Non, c'est Apple qui a accepté de payer plus de taxes à Cupertino pour aider la ville puis tout ça, puis être un bon citoyen corporatif. Ça s'appelle un pot de vin. C'est juste, okay. C'est juste pas fait de la même manière. Ce qui m'amène à ça. Le MOGA Ace MOGA Power. C'est qu'il y a un nouveau contrôleur qui supporte iOS 7. C'est le premier qui c'est sort. C'est le premier qui sort. Il y en a un, si je ne me trompe pas, qui est développé par Logitech, qui est en train de travailler dessus. Ils sont en train de travailler là-dessus, mais c'est le premier qui est sorti, qui ressemble vraiment beaucoup à la manette de la PS3. Oui. Alors, en termes de boutons, tu en veux dire? En termes de boutons, okay. le L1, L2, oui. Chaque côté aussi, les joysticks. c'est pour ça que peut-être qu'en essayant avec le Oceanhorn, les contrôles, avec ça, j'aurais peut-être moins de troubles parce que vu que c'est la manette qui contrôle totalement, tu n'as pas besoin de toucher ton écran, mm-hmm. J'aimerais plus essayer ça. Mais c'est 100$ le petit contrôleur présentement. Quand même, c'est pas donné. C'est cher, c'est oui. Ça. Je sais pas, mais en tout cas, on va voir celui de Logitech, mais qu'il sorte. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que c'était excellent. Les petites trouvailles de la semaine. Toi, Geneviève, est-ce que tu avais une autre trouvaille? Non, moi, c'était tout côté trouvaille. Excellent. Sinon, on vous dirige vers nos amis du Front créatif de Montréal qui proposent quelques applications pour iOS qui sont utiles pour les gens qui font de la production vidéo. Donc, en fait, il y a justement Télécino qui contrôle toute la diffusion en ce moment avec son simple iPhone. Donc, Jason qui est avec son iPhone et qui nous... Tu peux l'envoyer sur le... Tu peux l'envoyer en copie sur le Apple TV, si tu veux. Je ne sais pas si tu sais comment faire ça. Ah, OK, ça ne fonctionne pas. Bon. On regardera pour vous le présenter. Dans les dernières... en fait, l'article s'appelle « iPad application pour la production de vidéos » sur le site fcmtl.com. Donc, on vous laisse avec nos amis de CacaoCast. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Thor et Loki du podcast CacaoCast. Nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. Et voici quelques sujets qui pourraient vous intéresser. Alors, commençons par l'App Store. Une petite nouvelle pour les développeurs qui offrent leurs applications en utilisant des codes promotionnels donc qui leur sont rendus disponibles par Apple pour offrir leurs applications payantes à des testeurs, à des journalistes, peut-être à des futurs clients, hein, donc faire un peu de marketing. Et, à des amis. Et en offrant des codes promotionnels. Donc jusque-là, c'était limité à 50 codes seulement par version d'application. Hein, donc quand vous rendez votre application disponible sur l'App Store, vous pouviez offrir 50 de ces codes et maintenant c'est passé à 100 codes. Donc on pense intéressant, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs qui étaient peut-être un peu limités dans le passé. C'est donc passé à 100 codes, c'est une bonne chose du côté d'Apple qui écoute un peu leurs développeurs et qui leur rendent un peu la vie un peu plus facile des fois. Ça, on sait très bien que c'est pas toujours évident pour les développeurs, c'est pas facile de développer des applications, puis de les vendre, et puis de faire le marketing et tout ce qu'il y a avec. Donc voilà, un petit coup de pouce du côté d'Apple, sans code promotionnel au lieu de 50 maintenant. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Je voulais parler de OS X Server 3.0. Ouais. Alors, depuis que Lyon est sorti et le Mac App Store, le OS X Server est un logiciel. C'est plus une installation spéciale de Mac OS X. C'est carrément un logiciel qu'on télécharge du Mac App Store et qui nous permet d'activer des fonctions serveur sur notre Mac. Pour avoir toutes sortes de choses comme un wiki ou un serveur de mail ou un serveur de Time Machine ou des choses comme ça. Mais maintenant, si vous êtes développeur enregistré Mac ou iOS, vous pouvez télécharger OS X Server gratuitement. Alors, au lieu de 20 $, on s'entend que c'est pas 20 $, c'est pas la mer à boire, alors que c'était 1000 $ il y a quelques années pour le même serveur. Mais il y a deux fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes si vous êtes un développeur Mac ou iOS, qui ne sont pas nécessairement des fonctions auxquelles vous auriez pensé en installant macOS X Server. La première fonction, c'est le App Store Caching. Alors, si vous avez un réseau local, vous voulez faire des mises à jour de vos applications vous avez plusieurs Mac à la maison ou dans votre petite entreprise ou des choses comme ça. Si vous installez macOS X Server sur un de vos Mac et que vous avez de l'espace disque, bien sûr, comme sur n'importe quel serveur, et que vous voulez faire les mises à jour iOS, macOS, Xcode, Mac App Store, etc., iTunes, qui peuvent commencer à prendre pas mal d'espace disque et surtout pas mal de bandes passantes, vous les faites passer par ce serveur-là, simplement en appuyant sur un bouton. Il n'y a aucune autre configuration à faire à part d'avoir de l'espace disque. Et le serveur va s'occuper lui-même de garder une copie locale des mises à jour. Alors, la première personne télécharge iTunes à travers le serveur de façon entièrement transparente. Et ensuite, toutes les autres mises à jour se font directement à partir du serveur dans votre réseau local à très grande vitesse. C'est un très gros avantage si vous voulez économiser de la bande passante et surtout éviter que tous les jours de mise à jour, il ne vous reste plus de bande passante parce que tout le monde a fait ses mises à jour de iOS, de macOS, de Xcode, etc. Même à la maison, ça peut vous servir beaucoup pour éviter de retélécharger la même chose 10, 15, 20 fois. Même les appareils iOS peuvent s'en servir. Et encore une fois, je dis, il n'y a aucune configuration. Vous n'avez pas à modifier les machines ou les appareils iOS pour leur dire d'aller sur votre serveur. Tout se fait automatiquement. C'est vraiment très fort. L'autre option qui est vraiment intéressante, dont il faut parler, ce sont les bots, les petits robots à l'intérieur de macOS X Server. Ce sont des petits robots qui vous aident à faire de la construction programmée de vos différentes applications. C'est vraiment quelque chose d'utile, vraiment uniquement pour les développeurs dans ce cas-ci, mais je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur le site d'Apple et sur les sessions de la WWDC qui vont vous donner plus de détails sur les bots. C'est fourni dans OS X Server 3.0 et c'est gratuit maintenant pour les développeurs. Voilà, et même si vous n'êtes pas développeur, je pense que ça vaut le coup de dépenser les 20 $ juste pour cette fonction de cache qui est vraiment très pratique. Et je crois qu'il vous faut quand même avoir des appareils qui fonctionnent avec iOS 7 pour pouvoir utiliser cette fonction. Sur iOS, oui, c'est ça. Pour iOS. Pour le Mac, je ne suis pas sûr. Peut-être que... Je crois que c'est automatique avec macOS 10.9, peut-être avec 10.8. 10.8, à vérifier. Voilà, mais c'est vraiment très pratique. Et comme beaucoup de personnes et comme nous, vous avez certainement plusieurs appareils iOS à la maison, plusieurs Mac probablement, et ça devient vraiment problématique de faire tous ces chargements pour chaque mise à jour. On va finir par une autre fonctionnalité de Mavericks qui n'a pas vraiment été publiée. On n'en a pas trop parlé, mais je pense que c'est vraiment intéressant. C'est encore une petite optimisation supplémentaire et ça s'appelle Mavericks Sleep Image. Donc, de quoi s'agit-il, Philippe? C'est ça. Alors, quand on a un ordinateur portable et qu'on le met en sleep, en repos, on ferme le couvercle ou on active la fonction sleep, les ordinateurs ont un mode qui s'appelle Safe Sleep. Alors, c'est sécuritaire. Toute la skill de votre mémoire est écrite sur le disque. Et quand l'ordinateur se réveille, il relie toute la mémoire sur le disque. Ce qui veut dire que si jamais il perd le courant au complet, vous le laissez débrancher, la batterie était presque vide, vous l'utilisez jusqu'à la fin, etc. Vous allez être capable de tout récupérer sans trop de problèmes. Jusqu'à tout récemment, jusqu'à Mavericks, l'entièreté de la mémoire était écrite sur le disque. Alors, si vous étiez chanceux avec un ordinateur qui avait 16 gigs de mémoire, bien, ça occupait 16 gigs d'espace disque que vous deviez absolument laisser libre pour votre ordinateur, pour la mémoire. Mais maintenant, depuis Mavericks, l'ordinateur est un peu plus intelligent et ne met juste que la mémoire qui est vraiment utilisée. Donc, ça peut faire tomber ce fichier-là à 1 ou 2 gigs si vous avez 16 gigs de mémoire, ce qui est quand même très intéressant parce que la mémoire est compressée et d'autres optimisations. Donc, sur les disques de vos ordinateurs portables, qui sont souvent des disques de taille limitée, particulièrement si c'est des disques SSD là, avec de la mémoire flash, cette optimisation-là vous permet de récupérer quand même pas mal d'espace disque et c'est quelque chose qui est vraiment très bienvenu. Je vous conseille fortement d'installer ou de regarder Mavericks avec plus d'attente et d'attention pour pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités, y compris celle-là qui vous donne plus de mémoire. Voilà, donc rien à paramétrer, rien à faire. Ça vient avec Mavericks et ça fonctionne tout seul. Mais encore une chose, hein, avec les optimisations de la batterie aussi, il y a des tests qui commencent à être publiés qui montrent que les MacBook Air, par exemple, ont peut-être 2-3 heures d'autonomie supplémentaire grâce supplémentaire, à... Supplémentaire, oui, c'est ça. Fonctionnalité de gestion de la batterie et des applications. Donc voilà, Mavericks, c'est vraiment une très bonne mise à jour. Bon, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus et écouter d'autres sujets dont nous parlons, Philippe et moi-même, vous pouvez venir sur cacaocast.com. Et nous rendons maintenant la parole à l'équipe de Mac Québec. Mac Québec, le podcast. Voilà, nous sommes de retour en studio. Excellente chronique de nos amis du Cacao Cast. On espère que vous allez faire un tour de temps en temps. Ils nous font une petite chronique comme ça à chaque podcast, mais eux ont leur propre podcast sur leur site web qui dure entre 30 minutes et une heure, si je ne me trompe pas. Donc, pour les gens qui sont intéressés par le développement sous toutes ses formes, les deux gars s'y connaissent, c'est pointu, c'est très intéressant. Food for thought. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Sinon, Geneviève? Oui? C'est ton baptême? C'est mon baptême. En fait, ce que je voulais faire ce soir avec la sortie de Mavericks, il y a des fonctionnalités dont on a beaucoup entendu parler, l'intégration de Maps, tout ça, c'est le fun. Mais il y a quelque chose qui est au cœur de notre expérience de Mac et qui est comme un petit cœur qui bat à côté du corps depuis l'avènement du système 10, c'est le Finder. Mm-hmm. J'ai l'impression que le Finder est un petit peu... Mal-aimé. Ben oui, il est dans le placard. En tout cas, je ne sais pas trop. Il est là, mais on fait tout pour nous empêcher d'avoir à l'utiliser dans les anciennes versions. On va nous faire passer par le dock, on va nous mettre Launchpad, Spotlight. Mission Control, Spotlight. Pour pallier, disons, l'ergonomie chancelante de la chose, il y a des applications comme Pathfinder, Quicksilver qui était amené des petites choses intéressantes. Puis bon, quand il y avait des fonctionnalités qui étaient un peu plus poussées, Apple les phagocytait. Ouais. Spotlight, là, surtout, que je pense que était... J'ai eu de la peine pour Quicksilver parce que j'aimais... J'ai même que l'application existe encore et il y a Alfred aussi, qui est une autre application qui fait un peu la même chose, mais la plupart des gens ne feront pas l'effort d'aller chercher un outil. Quicksilver était extrêmement puissant. Ah, c'était tellement poussé. Mais bon, donc, tout ça pour dire que Finder, c'est mal aimé. Et puis, avec Mavericks, je pense qu'on lui a donné une petite dose d'amour de plus, mais c'est des subtilités auxquelles on n'a pas vraiment accès si on fait que cliquer pour ouvrir un fichier le moins souvent possible pour aller dans Finder, parce qu'on a pris l'habitude de plus jamais y aller, parce que c'est toujours ordinaire comme expérience. Je vais vous passer les critiques sur le UI parce qu'il y a encore des petites choses dans le UI qui sont pas exactement au point, qui sont pas, qui ont un petit glitch, une petite tombe qui est pas à telle place. Bon là, il y a okay, des blocs juste qui, ça, okay, je pensais, c'est okay, un peu comme quoi. C'est un peu comme de 10.2 à 10.4 qu'il y avait des rayures puis du caca, ouais, n'importe quoi là. Bon, ça je vous les passe. Moi ce que je veux vous faire comme initiation, c'est les petites fonctionnalités qui peuvent être pratiques. Je crois que le plus simple, ça serait que je vais vous mettre ça à l'écran derrière en même temps que j'en parle. Boum! Boum, ça sera pas bien long. Boum, achika, boum. Hey, on a un training. Voilà! Voilà! Donc, Tuto Mac Québec! Tuto Mac Québec! Alors, la première chose qu'on remarque à l'écran, alors je ne suis pas dans Safari, je suis dans le Finder qui a maintenant des tabs. Mm-hmm. Et ça, c'est éminemment pratique parce que, vous voyez, je suis dans un tab où est-ce que j'ai la vue en éventail, en me disant que ça serait utile pour tous mes fichiers. Est-ce qu'il est bon, le Easy Brazilian Cheese Bread? Il est excellent. Okay. J'aimais ça un peu comme message subliminal à mon amoureux qui m'écoute ce soir. Bon. Là, il va m'envoyer un tweet, genre, tu peux même plus en manger. Wow, en tout cas. Mais bon, donc... Par contre, si j'avais une fenêtre de recherche dans laquelle je veux seulement avoir une liste puis je veux chercher, disons, des chats... J'ai d'apprendre quelque chose cette, déjà. Je vais avoir cette vue-là qui va être, mettons, plus pratique pour moi. Bon, je peux retourner à tous mes fichiers. Je n'ai pas besoin de l'avoir en double. On va le fermer. Si je veux voir mon dossier, mes documents comme ça. Donc, dans chaque table, on conserve l'intégrité de la view, de la vue qui est permise. Là, je l'ai mis en plein écran parce que j'ai un ordinateur au format réduit, puis ça m'est très, très, très pratique. Ce qui est le fun avec ça, c'est que si on l'utilise avec Mission Control, ben on a accès, on peut avoir accès à une espèce de base de Finder qui est toujours prête avec toutes les choses auxquelles on accède fréquemment. Mm-hmm. Puis quand on n'en veut plus, ben on l'envoie pas être dans Mission Control et on travaille sur ce dont on veut travailler. Tu te rends compte, les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi Mission Control. Oui. Fait qu'il va falloir que tu reviennes ou que tu nous fasses une chronique Mission Control. On en reparlera. Mais en fait, c'est ça, je veux vous inviter aussi. Envoyez-moi vos questions parce que j'essaie de partir à peu près du milieu du chemin. Je sais qu'il y a des usagers qui nous écoutent qui sont très, très, très, très, très habiles avec le Mac. Il y a des gens qui sont plus fans des apps. Qui sont... Donc, dites-moi où est-ce qu'on en est. Dites-moi si je vais trop loin, pas assez loin, puis on va trouver la recette. En fait, ce qu'on voulait faire un peu avec cette chronique-là, c'est intéresser, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont de niveau intermédiaire à avancé. On voulait intéresser puis avoir un langage un petit peu plus vulgaire, non, vulgarisé. vulgarisé. Donc, un Finder 101, là, regardez les petites fonctionnalités. Donc, on a vu les views qui étaient intéressantes, le Tabs aussi, qui est la nouvelle fonctionnalité que tout le monde voulait depuis 10.4. Là, oui, t'sais. Puis pour y accéder, vous faites, quand vous avez une fenêtre de Finder, vous pouvez faire CTRL-T, la même chose parce que... Commande-T, oui. Là, je montre mes anciennes origines. La même chose que vous auriez fait avec Safari. Si je fais... Est-ce que... Y a-t-il une limite de tab? Est-ce qu'on le sait? Je crois que c'est la limite théorique de Safari qui était de 128. Est-ce que je me trompe? Je ne l'ai pas testé. Okay. Je n'ai pas assez de RAM pour le tester. Okay. Ça peut être un défi. Testez-le et revenez-nous. Si je fais une nouvelle fenêtre de Finder... Bon, là, je suis avec Mission Control. J'ai ouvert des trucs. Je vais aller voir, exemple... je vais regarder sur le MacBook de Alexis. Ma porn! Bon. Puis là, j'aimerais revoir les fenêtres que j'avais tantôt parce que je voudrais associer mes vues. Ben, j'ai une fonctionnalité dans le menu Window qui est Merge All Windows qui me permet d'apprendre une deuxième chose. Tout ramener ensemble. Excellent. Et là, j'ai l'air nounoune parce qu'il ne l'a pas fait correctement. Il n'est pas là. Ah, ben non. C'est doublement. Non. Je ne sais pas. Donc, voilà. Cela pourrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. On va voir dans le prochain patch. Ah, ben non, te voilà. C'est, voilà. C'est... Ah, il a appelé Moto. Ah, c'est son ordinateur. Non, c'est moi. Bon, on est tout mélangé. Non, c'était moi. OK. OK. Bon, on va passer à la prochaine fonctionnalité. Des tabs aussi, il y a les tags. Bon, moi, je suis éternellement bordélique. Spotlight, j'aimerais que la vie entière fonctionne comme Spotlight. Puis j'étais à un temps où je me disais, ben moi, le Finder, moi, tant que j'ai Spotlight, là. Mm-hmm. Tu pouvais organiser ça n'importe comment, mettez-les dans les cubes, des fichiers, faites des animations avec des petits chiens qui dansent. Je ne les verrai jamais, je n'utiliserai que Spotlight. Mais là, avec les tags, ce qui est intéressant, c'est exemple, si je voudrais, je vais aller voir, je vais retourner dans tous mes fichiers. Dans tous mes fichiers de tantôt, et j'ai ma recette de Easy Brazilian Cheese Bread, et j'aimerais ça qu'on en fasse. Eh bien, je peux la draguer sur le tag Affaires, qui est un tag que j'ai modifié tantôt. Mm-hmm. Et on voit, j'ai une petite pastille rouge qui s'est créée. Mm-hmm. Et je peux associer la recette à autant de tags que je le désire, à la manière de tag dans un blog, là. Donc, quand j'ai plusieurs tags, on voit que ça fait comme des petites lunettes. Puis, si j'en mets plus de... j'en mets 3, 4... Donc, là, sur le côté de l'écran, je ne sais pas si on le voit bien. De toute façon, les gens qui nous écoutent ne le voient pas. Donc, toi, sur ta barre latérale, sur ta barre à gauche, en bas de toutes les autres sections, ils ont rajouté, bizarrement, une section dans laquelle ils n'ont pas hésité à mettre de la couleur. Dans lequel ils n'ont pas hésité à mettre de la couleur alors qu'ils l'ont enlevé. Moi, je déteste ça qu'ils aient enlevé la couleur sur le côté. Oui. C'était un excellent repère visuel. Et source de confusion supplémentaire, si, par exemple, je te passe mon fichier, tu es sur un système qui n'a pas Mavericks encore, la dernière tag de couleur que j'ai appliquée va afficher devenir comme une barre. Donc, exemple, là, ça serait en attente, mais c'est aussi, ça pourrait être en attente, délicieux et à faire, puis là... Mais parce que en fait, la fonctionnalité tags est une évolution de la catégorisation par couleur. Et cette catégorisation par couleur-là, quand on sélectionnait, par exemple, un fichier, on ne le voit pas ici, mais ça fait exactement comme la barre bleue qu'il y a là. La barre bleue, mais ça faisait une barre de couleur au complet. Donc, exactement. Si j'avais tous mes fichiers qui correspondent à des choses urgentes, j'aurais pu les mettre en rouge, puis par la suite. Donc, en un coup d'œil, je peux voir où est-ce que j'étais rendu dans mes choses. C'était génial. Reste qu'en le faisant avec les tags, on peut sélectionner des ensembles de fichiers, puis les appeler très facilement. Si je fais, exemple, affaires, dans ma fenêtre Spotlight. Tags, affaires, on le sélectionne en bas? Oui, comme ça. Et là, je peux voir que j'avais aussi mon portrait de Bob Ross qui est affaire. C'est qui Bob Ross? Puis pourquoi tu as affaire Bob Ross? Pour Bob Ross, je vais te montrer. C'est une photo compromettante de Bob? Non. C'est Bob Ross, c'est un peintre que tu devrais apprendre à connaître. D'accord. Enfin. Mais c'était juste pour donner l'exemple. Puis les tags, on peut les modifier selon notre gris. Là, on peut faire... All tags. Et... Puis on peut les changer, on peut donner des tags incolores aussi, on peut associer des dizaines de tags à des fichiers si ça nous est pratique. Et comment enlever les tags? Pour détaguer un fichier, alors on choisit et on fait. Je l'ai ajouté. On va je vais vous l'énoncer, puisque c'est ça le problème avec les visuels. Donc on fait CTRL. On sélectionne tags. On contrôle-clique sur le fichier ou on clique droit. Clique droit. Sur le fichier, voilà. Puis ensuite, on n'a qu'à aller faire... on peut backspace. Sélectionner comme ça, backspace. Puis ceux qu'on enlève viennent repeupler la liste tout de suite. Qui est en dessous. Excellent. Puis sinon, un petit truc qui peut être intéressant du nouveau Finder, qui est une petite astuce. Si vous avez le dossier library dans Maverick, c'est depuis 10.7, Depuis 10.7, il se fait discret. Il est caché. On n'a qu'à aller afficher le dossier usager. Quand on est sur le dossier usager, on va dans View. Show View Options. Show View Options. Voir les options de dossier. Et Show Library Folder. Tout simplement. Alors, il n'y a plus de faire 36 arabesques. Pour autant qu'on se trouve dans le dossier usager puis qu'on a les permissions pour le modifier, on peut le faire apparaître. Oui. Là, il était caché. Ce qui est très pratique. Parce que c'était vraiment fatigant avant. Il fallait que tu fasses apparaître avec Onyx ou tu passais par user/ton une commande console. Puis là, oublie ça. Là, c'était vraiment long. Default boolean, yes, library, affichage. Sinon, il y avait le alt, cliquer sur présentation aussi ou aller. Oui. Alt, cliquer sur Aller, qui fonctionnait puis qui faisait apparaître la librairie. La librairie de l'utilisateur, qui est un dossier qui regroupe en fait toutes les ressources nécessaires à vos logiciels au niveau de l'utilisateur. Donc, les préférences quand vous déplacez des fenêtres, tout ça. Et en fait, l'utilisation première, là, c'est d'aller dans le dossier préférences, puis ça crée les préférences d'un logiciel qui est un peu rebelle au vidange, puis de rouvrir ce logiciel-là. Voilà, ben c'était tout pour les petites astuces du Finder pour ce soir. Donc, des petites choses à intégrer. Essayez-le de votre côté. Il y a le bouton Share aussi qui est en haut, qui est assez intéressant. Le bouton, le carré avec la flèche qui sort. Oui. Donc, on sélectionne un dossier, on va cliquer là-dessus. Ça nous permet de l'envoyer très, très rapidement. Je vais t'envoyer mes applications. Ben oui, bonne idée. Hein? Ben oui. Par AirDrop. Par AirDrop. Ah non, par email, let's go. Vas-y, fallait sortir, fallait rentrer, ça va être super bon. Other people, Puis si j'ouvre AirDrop. Parce que vous n'êtes pas sur le même réseau. Ah, tu penses? Parce que on devrait. Non, ah oui, le voilà. On ne fera pas ça, mais on va le faire, juste pour rire. On va l'enlever après. Waiting for me to accept. Alors, aussi simple que ça, partager des fichiers maintenant d'un Mac à l'autre, là, c'est. C'est intéressant. En fait, le fait qu'il l'ait mis là-dedans, AirDrop, ça va comme finir par donner tout seul. Et on attend 10.10 pour une intégration avec AirDrop sur iOS. Oui, mais il faut dire que AirDrop ne fonctionne pas avec tous les Macs. Hein? Non, c'est 2010 en montant. 2010 en montant. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez un ordinateur pré-2010... L'option n'est pas là. Voilà. Voilà. Puis pour taguer, si vous voulez taguer une grande quantité de fichiers à la fois, vous pouvez le sélectionner comme ça et... Ça, c'est pas clair, là, mais ça signifie les tags. Et voilà. Donc, exemple, si c'est... On va leur donner le tag bleu. Et voilà. Tout est bleu. Et on voit la petite icône qui est modifiée pour bleu. C'est fun. Est-ce que tu peux choisir ta couleur? Est-ce que... Mais tu sais... Non, pas dans le... Non, le... ils ont la palette prédéterminée. OK. Ouais. C'est bon. Dans 10.10. Non. Merci beaucoup, Geneviève. Bravo. Excellente chronique. Mais t'as du métier, fait que c'était facile. Non, on a fait de la télé, il faut l'assumer. Oui, on l'assume. Voilà. On est maintenant rendu à ce segment que moi, j'apprécie beaucoup à cause de son nom. Mais les gens ne semblent plus avoir de problème. On semble répondre à toutes leurs questions, à part quelques personnes qui nous posent des questions comme ça. Donc, voilà, c'est le moment des amateurs de Mac. Bonsoir. On connaît-tu un gars qui peut nous faire un jingle là-dessus? Ah. façon la soirée du hockey. Je vais mettre le petit jingle dans le fichier. Je vais le remettre comme d'habitude. Excellent. Donc, on a première question par Tom Bonneau sur MQ Entraide qui nous demande... Est-il possible d'installer à la fois macOS X Leopard et macOS X Maverick sur le même Mac? Vas-y donc, es-tu capable de répondre à ça? Moi, je suis à répondre, mais es-tu capable? Moi, j'ai l'impression que non. Ah, OK. Toi? J'échoue. Oui. Bon. Ouais. Ben oui. Comment fait-on? Il y a une manière. Il y a deux manières. Deux manières? Oh oui. OK, bon, mais moi, je vais te dire celle que je pense. Là. Mm-hmm. Tu crées deux partitions dans ton disque. Oui, bon, OK. Mais il y a une manière de l'installer. Tu peux pas commencer par la plus nouvelle. Ah non? Non, parce qu'il fera pas son boot. Son boot select au début. C'est comme sur Windows, quand tu installes. Okay. Faut que tu passes tout le temps par la vieille version. Tu commences par la vieille version, Snow Leopard. Dans son cas, c'est Snow Leopard. Et après, sur ta deuxième partition, tu installes Mavericks. Et il va savoir, Mavericks, que OK, il y a un système sur l'autre partition. Il va créer un boot au départ. Il va dire quel système tu veux, Snow Leopard ou Mavericks. Tu pèses dessus et ça va aller sur le disque dur. Sinon, virtualisation? Ah oui, bien ça je le comptais pas, parce que c'est triché, là. Pourquoi? Bien, c'est pas triché, mais... La question, c'est, est-il possible d'installer à la fois macOS Snow Leopard et OS X Maverick sur le même Mac? Oui, avec un outil comme Parallel Workstation ou l'autre qui est VMware. VMware Fusion. Donc, c'est pas seulement pour installer Windows. On peut installer un paquet d'images virtuelles là-dedans, dont une version de macOS X. Par exemple, si on veut faire des tests avec un serveur, on peut installer une vieille version du serveur 10.6.8 qu'on peut installer là-dedans. Ça fonctionne relativement bien tant qu'on a une machine qui est assez costaude pour prendre les deux systèmes. Ouais. Dans cette opération-là, on est en mesure d'avoir les deux systèmes. Dans ton opération, à toi, si le gars qui nous écoute, il fait « Ouais, moi, je suis déjà sur Mavericks, comment je fais pour installer 10.6? » Ça marche pas. Mm. Sa façon de le faire, sans avoir à reformater son disque dur, faire le backup Time Machine, reformater le disque dur, installer 10.6.8, pas être capable de ramener la moitié de ses affaires. Tu Quoi? L'installes sur un disque dur externe, puis tu choisis au démarrage. Aussi, en Firewire ou en USB. Ouais. Ou idéalement en Thunderbolt. Ou en Thunderbolt. Mais tu choisis au démarrage en tenant un bouton Alt, puis il va aller chercher son... Parlant de Thunderbolt, et je pense que je l'avais mentionné au dernier podcast, mais je ne suis pas certain, donc je vous le répète, il est possible de créer un réseau Thunderbolt depuis Mavericks. Très intéressant, 10 gigabits seconde, ça fait la job. On l'essayera? Oui. On a-tu un fil Thunderbolt? Oui. On a? Okay. Ouais, on a ça ici. On a tout ici. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Tom. On a une question par Racamel sur le forum Mac Québec. Oui, il est toujours ouvert. Il y a un message qui revient sans cesse me disant que mon disque de démarrage est plein. Je tente de supprimer tous les fichiers trop lourds, images, musique, vidéo, et il semble que c'est toujours plein. Je suis incapable de faire les mises à jour. J'aimerais restaurer. Comment? Mon système MacBook Air, Mac OS X, version 10.7.4, processeur 1.7, 1.7 Core i5 et mémoire de 4 GB. Cette semaine, il était tard et notre ami Jean-Dominique Leduc, si je ne me trompe pas, oui, c'est l'auteur de Les années crocs qui est au Salon du livre de Montréal en fin de semaine, avait un problème. Il est aussi un personnage secondaire à l'Auberge du Chien Noir. Et donc, il y avait le même problème avec le même type d'ordinateur. Et il se demandait ce que c'était. Donc, on a investigué. Puis la façon d'investiguer, si tu n'as pas un outil spécialisé, c'est quoi? C'est Disk Daisy ou quelque chose comme ça? Il y a une espèce de truc là, qui te fait des espèces de bulles. Puis quand tu déplaces ta souris dessus, ça te montre. En fait, plus les carrés sont gros, plus ça prend d'espace pour ce dossier-là. Donc, il y en a plusieurs des outils comme ça. Fait qu'on a commencé à ouvrir chacun des dossiers, un par un, POM-I, pour se rendre compte, en ça fait... Ça devait être long. Oui, c'était... Ben, en fait, tu commences au premier niveau, puis tu te rends compte, bon, il y a 15 gigs dans le dossier application, il n'y a rien dans le dossier système, il n'y a rien dans le dossier bibliothèque. Évidemment, tout est dans le dossier utilisateur. Tu rentres dans le dossier utilisateur, tu vérifies s'il n'y a pas quelqu'un qui a oublié un système d'exploitation ou deux dans le dossier partagé. Puis après ça, ben, tu narrow, tu diminues, en fait, tu t'en vas en entonnoir comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait près de 10 gigs d'informations de poignées dans un dossier qui s'appelle Mobile Sync dans le dossier de librairie, si je ne me trompe pas. Et ce dossier-là contient les backups de vos appareils iOS qui sont faits par iTunes. Donc, première chose, faire le backup sur iCloud. Vérifier, en fait, dans un premier temps, vérifier s'il n'y a pas des vieux backups qui traîneraient d'anciennes machines. Quand on vous a échangé votre téléphone parce que vous l'aviez échappé ou parce que le bouton Home ne fonctionnait plus, ben ça crée une nouvelle mise à jour. Donc, on peut aller dans iTunes, dans les préférences, dans appareils, vérifier. En fait, s'il y en a une qui date de 4-5 mois, on l'enlève. Déjà là, on devrait gagner de l'espace. Et les deux autres, en fait, comme il y a beaucoup, beaucoup de données, si vous avez un iPhone 16 gigs, il y a beaucoup de ces données-là qui sont gratuites dans le 5 gigs d'iCloud et vous pouvez activer la mise à jour dans iCloud pour envoyer un peu de ces données-là à l'extérieur. Alléger un peu la journée. Et alléger le MacBook Air. Dans quel dossier? C'est librairie Mobile Sync, si je ne me trompe pas. Je l'ai déjà vu, ce dossier-là, mais je ne me rappelle plus, mais là, il n'est pas là. Puis, moi, un utilitaire que je trouve qui va super bien aussi pour faire visualiser rapidement là, où est-ce que se trouvent les trucs pesants, là, Omni Disk Sweeper. C'est tout petit, c'est rapide, c'est gratuit. Sur le site de OmniGroup, omnigroup.com. Excusez-moi, c'est dans Bibliothèque, mais Application Support Mobile Sync. Ah, OK. Et pour vous donner un exemple, là, moi, il est en train... Bon, ben, je sais où est-ce qu'il... Je sais où est-ce que mon troubillé, j'ai 56 gigs de prix là-dedans. Donc, je vais aller faire moi-même un nettoyage de ça. Puis c'est sûr, en fait, que sur... comment ça s'appelle? C'est sûr que si vous avez un MacBook Air, le disque dur là-dedans est très, très petit. Les derniers MacBook Air ne s'ouvrent pas, mais si vous avez un MacBook Air de 2012-2011, il y a des compagnies qui ont fait des disques durs, entre autres OWC, ouais. qui a fait un disque dur qui s'appelle Aurora. C'est une barrette. Et vous avez jusqu'à du 480 gigs là-dedans. Il ne donne pas. Le petit 120 gigs, si je ne me trompe pas, est autour de 200 $ mais oui, ça se change. Intéressant. Voilà. On sait-tu si le dernier MacBook Pro, on peut changer la mémoire nous-mêmes? Tu sais-tu? T'as-tu déjà? T'as-tu? Non. Le MacBook Pro, il est Retina, ouais. il est scellé. Ouais, scellé. C'est à l'achat. C'est un gros iPad à clavier. Pièces. Ouais, c'est un gros iPad à clavier. Il y a peut-être des choses qui vont sortir. Restez à l'affût. OWC, c'est une des compagnies qui sort ces petits upgrades-là là, qui dépannent solidement. Eux autres, puis Sonnet Technologies aussi, qui font d'autres types de produits, mais qui sont d'excellentes compagnies. Tu peux, ils vendent des racking Sonnet One U. Tu mets deux Mac Mini dedans. Tu as deux power supplies. Ça te les transforme en One U, là, en X-Serve, en fait. Ouais. Fait que, avec une redondance de serveur et le kit. Fait que, c'est assez intéressant. Il y a du beau stock là-dessus. Où est-ce que nous étions rendus? Rapidement, est-ce qu'on a des questions peut-être sur le Twitter? Je regarde vite. Non. Hashtag PodMQ, si vous en avez une qui vous vient tout de suite. D'ailleurs, si vous en avez et que vous nous les posez en direct, des questions, puis pas une question genre c'est où Pomme à propos de ce Mac, là? Une question quand même assez intéressante, tu sais, une petite colle ou quoi que ce soit. On a une licence de Screens 3 à donner de Edovia, donc on vous envoie ça tout de suite après le show, directement sur le Twitter. Donc, je regarde rapidement. Je me souviens pas. Je devrais les prendre en note. C'est tellement niaiseux. Quoi? Ben, on en reçoit des questions pendant la semaine. Puis, ben, c'est ça. Il faudrait qu'on se crée un. Faudrait qu'on se crée un hashtag. Les gens pourraient nous la poser avec PodMQ. Puis, voilà. Sinon, ça fait pas mal le tour de ça. Il est rendu 10h16. On a commencé un petit peu en retard. Je pense que. On a donné notre fair share of free food for thought. Donc, on rappelle les commanditaires, les gens qui nous aident dans cette opération-là. Il y a évidemment ClickPom, iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels au 1184 Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. La Coop UQAM boutique informatique, vous pouvez passer les voir au 279 Sainte-Catherine-Est à Montréal ou vous pouvez aller sur leur site web www.coopucam.com. Il y a ReptileTech qui nous aide avec notre infrastructure web, qui nous donne un sérieux coup de main de ce côté-là et qui s'assure que les prochains événements ne planteront pas avec une structure très intéressante de ce niveau-là. Et on le rappelle, ils ont une campagne de financement en ce moment pour Centraide. Vous allez sur la page Facebook de Centraide, vous faites un petit like et ça donne $1 à Centraide jusqu'à concurrence de $5,000. Si vous vous demandez, la campagne en a encore pour un mois, donc on va vous en reparler au prochain podcast et vous donner des updates. Mais pour l'instant, vous pouvez y aller, ça ne vous coûte rien et il y a 1000 personnes qui ont fait un like jusqu'à maintenant. Donc, vous avez encore de l'espace pour y aller et refaire un like. Je vais y aller à un moment donné, aller voir ça à Brossard. Oui, ce serait le fun, effectivement. On pourrait même faire un podcast en direct de leur bureau. Il y a l'EP, les indicatifs audio que vous entendez depuis quelques semaines, qui donne c'est un espèce de look, look un audio. Peu FM, de, un look audio un peu FM, mais ça a vraiment du chien, ça a de la gueule, ça a du punch, ça fait vraiment ce que ça a à faire, c'est-à-dire vous amener à la publicité, vous ramener là. Et nous, en fait, ça nous donne du pep en studio, donc on est très contents. Et Telestream pour le logiciel Wirecast, plus d'informations sur telestream.net. Le logiciel est disponible maintenant en version 5.01 ou 5.1. 5.01 depuis quelques jours, compatible avec Mavericks, donc excellent logiciel. On aimerait remercier Jason Denomé pour la production du podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jason. Et Jean-Michel qui a laissé femme et enfant à la maison pour venir nous aider. Jean-Michel Boily pour la recherche et la préparation de l'émission. Vous pouvez le suivre sur Twitter au JM barre de soulignement Boily. Le prochain rendez-vous, on retourne à l'équipe habituelle et à la date habituelle, qui est le mardi soir à partir de 8 heures. On se retrouve donc le 3 décembre prochain. J'ai dit quelque chose, je me trouve ça? Non, je ne devrais pas. C'est le dernier avant les fêtes ou on fait l'autre après? Il va y avoir... L'autre après tomberait le 17. L'autre après tomberait le 17. 17, il faudrait voir. On a un souper de Noël. Un souper de Noël. Ouais. Le 21, si je ne me trompe pas, c'est le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. OK. Comme d'habitude, en fait, on va y aller pour... je vais y aller pour représenter Mac Québec. Mon vœu, c'est un gros power habituellement. Ça se passe dans une ambiance festive avec des belles lumières. Ouais. Voilà. Et sinon, en fait, ben, dans les prochaines semaines, on est en train de regarder peut-être une édition spéciale, un petit cadeau de Noël. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que le projet est vraiment embryonnaire. Sinon, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les intertubes, Jean-François? Ben oui, on va les inviter. Alors, sur la Twitterée, comme dirait François Pérusse, duquel le nouvel album est excellent, par ailleurs, c'est Denki, D-E-N-K-I-I-I, parce que K-I, c'était pris. K-I-I, c'était pris. Ben non, c'était laid. Alors, 3-I, voilà. pas que c'est plus esthétique à 3, mais en tout cas, donc, voilà. Excellent. Sinon, qu'est-ce que tu fais d'autre qui pourrait attirer l'attention des auditeurs? Je suis présentement en congé de maternité, mais je m'intéresse beaucoup à la question du jeu sérieux et je vous invite à aller sur creo.ca. C'est l'entreprise pour laquelle je travaille. On fait toutes sortes de jeux éducatifs qui s'adressent aux 8 à 18 ans sur toutes sortes de thématiques. Le tout dernier sur les ITSS, donc allez voir ça. Okay. Oui, un jeu sur les ITSS. Excellent. Et le fun du jeu, c'est pas de les pogner, mais c'est de les dépister. Ne les attrapez pas tous. Ouais, c'est ça. C'est comme... Vous y avez pas pensé? Je veux pas savoir son évolution, vraiment. Oh, wesh! Voilà. Émission thématique molle, donc. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Et écoute, il l'enseigne plus à l'école. Fait non, que, il n'enseigne plus ça à l'école. Non. Ben, c'est pour ça qu'on utilise les nouvelles technologies pour. Protège-toi. C'est-tu bien. En parlant de ça, dans le journal aujourd'hui, j'ai reçu sidéré, là, la gonorrhée. Là. Oui. C'est de pire en pire entre 15 et 24 ans. Oui. Hey! 15-24 ans! J'en revenais pas. Slot. Non. Non. Oui, c'est non, un podcast, j'ai non, dit non, ce mot-là. C'est comme quoi l'éducation, ça a importé, parce que quand il n'y a pas d'éducation, on a des problématiques comme ça qui reviennent. Ah ouais. Tu fais te dire, nous autres, porter le condom, hey, puis si t'en as pas, mets une canette d'aluminium. Là. Ah ouais, ou va te chercher du saran wrap, quelque chose. Avec un élastique, bon, en tout cas, voilà. Bon! Mac Québec n'est pas responsable de vos expériences avec les cartes. On est habitués. On est habitués de nos niaiseries. Moi, on peut me rejoindre sur Internet. On va couper ça direct là. Oui. Voilà. Je vais faire une joke de Boucard Diouf. Ah non, ça va être correct. Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. Matin, midi, soir. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier, AlexCornellier. Je tweet aussi, mais beaucoup moins. On est occupé en ce moment sous ClickPom, C-L-I-C-K-P-O-M. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, même s'il n'y a plus de concours. Il y a la page ClickPom aussi, auquel vous pouvez adhérer. On essaie de mettre nos petites trouvailles, en fait, quand on résout un problème chez un client qui est plutôt complexe. On essaie de mettre ça là. Donc, vous pouvez apprendre des choses là-dessus aussi. Fait que... Je pense que c'est plus ton boss qui en pose des papiers des fois. Là, je suis comme... De quoi c'est qu'il parle? C'est comme... De quoi c'est qu'il vient de... Ouais, lui, il travaille sur... travaille sur des systèmes, là, des affaires à déploiement. Là. Le logiciel coûte dans les 5 chiffres, puis ça sert à avoir sur un serveur Windows les home folders des utilisateurs pour que quand tu les appelles, Tu peux les appeler de n'importe quel poste, puis oups, sont là. Fait que, tu sais, check l'intégration. Il faut que ton home folder il contienne les applications spécifiques avec tes packages de Firefox avec les favoris déjà entrés dedans. Fait que, non, il... Il travaille avec du stock lourd. Lui, ça s'appelle Centrify, le logiciel. C'est cher. Ouais. Oh, c'est des grosses solutions un peu inconnues, mais très pratiques en entreprise. Voilà. Donc, sur ça, on vous dit salut. On revient le 3 décembre. Et d'ici là, ben, continuez à maquer. MacQuébec.com